Moi, j'ai quand même une réclamation par rapport à ce titre. C'est-à-dire que je l'entends une fois, je l'ai dans la tête à peu près 100 ans. Moi aussi. À peu près, hein. C'est un truc de ouf. Ah, bah c'est cool. Et puis on a un peu envie de faire n'importe quoi avec notre corps quand on l'entend ça. Ah non, pas moi, non. Il y a que moi, d'accord, ok, super. Ah, c'est pour mettre la pêche. C'est sûr que c'est pour mettre la pêche. Oh, t'as réservé plein de surprises, Sopra. Je te le dis, l'équipe va être mise à contribution ce soir pour toi. Miskin. Ils vont souffrir. On a plein de questions. Il y a du monde au standard. Continuez la 01 42 48 5000 et ça va être très sympa. Il y a Sandy de Sainte-Maxime qui est avec nous. Bonsoir Sandy. Salut Mario, Enzo et salut Sopra. Salut Sandy, comment tu vas? Ah, trop bien. Trop contente d'être avec vous. Trop contente de pouvoir te parler. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah, vas-y, ma belle. Soprano, je voulais savoir quelle a été ta principale inspiration pour ce nouvel album et pourquoi tu l'as appelé Les Vrais? Alors, je l'ai appelé l'Everest par rapport à l'élévation. Hein, on a tous quelque chose à grimper dans la vie. Et c'était pour faire un message un peu positif en disant que dans la vie, tout le monde grimpe son Everest pour aller au sommet, mais on y arrive toujours. Voilà, oh, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est beau. C'est un poète, Sopra, on le dit toujours. Mais oui. Oh, c'est un petit concept. Voilà. Voilà, ma belle. T'avais une autre question ou pas? Par rapport à sa principale inspiration pour son nouvel album, voilà d'où il a pris un peu tout ça. Ben en fait, je me suis dit, je vais essayer de faire la suite de Cosmo. Ça veut dire avec des styles variés, comme je fais toujours, avec plein de morceaux variés pour que tout le monde ait au moins une chanson pour ces moments précis à la maison ou avec ses amis ou en famille ou voilà. C'est bon. Eh ben ça le fait grave parce que franchement moi je t'adore et mon titre préféré c'est Le Diable s'habille en pull en Prada. J'adore, je l'écoute à fond. Ah c'est cool, c'est cool. J'adore. Ma belle, est-ce que tu veux une dédicace de Sopra? Ah franchement, mais je n'osais pas vous le demander, mais ce serait mon plus grand bonheur. Mais et enfin, pour mon petit garçon aussi, ce serait trop génial. Ah ben on va le faire, tu nous donnes les noms, on va faire ça. Hein. Toute ta famille. C'est un amour, Sopra. Merci les filles, merci à vous. Merci de nous avoir appelé, ma belle, on t'embrasse très fort. Gros bisous. Bisous. Ciao, ciao. Bon, et si vous voulez vous aussi poser des questions à Sopra, 01 42 48 5000, vous faites comme Sandy. Vous allez voir, en plus, il est hyper cool, la main sur le cœur, il a aucun tabou. Non, alors, je suis là pas. Pour vous faire Sopra, chier. Sopra, tu restes avec nous, c'est Marion là, et Anso, le Night Show. On est en direct, bougez pas. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me. The Parakeet. Feder. Sound of Ledger. Felix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Alors ce permis à liste, t'en es où? Je suis au taquet, là je commence la conduite, donc y a plus qu'à. C'est comme pour nos auditeurs, y a plus qu'à. Vas-y, explique. Sur funradio.fr, la sécurité routière propose aux auditeurs de répondre à un quiz sur le permis de conduire et tenter de gagner 1000 euros pour payer leur permis. Ça le fait, non? Grave, vivement le permis. Retrouvez aussi les progrès d'Alice sur Facebook, Instagram, funradio.fr et Twitter avec le hashtag Alice passe son permis. Le permis, c'est les bons gestes dès le départ. Conditions et règlements sur funradio.fr. Oui, c'est exactement ça, Droppy, t'as tout compris. Tu déposes le CV et t'attends sagement la réponse. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job avec mon pigeon voyageur. T'es sérieux, là? Bah oui. Non, mais laisse ton pigeon tranquille. Il faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace, pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo du 27 au 31 octobre 2016 à Paris Expo, porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Ok. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux? Mais pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok, ok. T'as hérité? Non. 295 euros par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295 euros par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Mini. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu, un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Exclusivité Micromania. Call of Duty Modern Warfare est de retour et il est meilleur que jamais. All right. En ce moment, chez Micromania, lorsque vous précommandez l'édition Legacy ou Legacy Pro du prochain Call of Duty Infinite Warfare sur PlayStation 4, Micromania vous offre la possibilité de jouer 30 jours en avance, dès le 5 octobre, à la campagne solo de Modern Warfare remasterisée. C'est mythique et en exclusivité chez Micromania. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW série 1 est à partir de 275€ par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1/14D 3 portes première start édition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Salut, c'est Soprano. Ce soir, ouvrez vos oreilles, relevez votre frange. J'arrive dans le Night Show sur Fun Radio. Relevez votre frange. Ouais, ouais, c'est ça. Ah. Je sais, c'est toi qui avais dit ça. Tu t'en rappelles pas? Ah ouais, ouais, ouais, ouais, je me rappelle. Hein. Bon, Sopra, tu viens nous voir pour la sortie de l'album. Ce sera le 14 octobre. Il va s'appeler L'Everest. Et alors, les gars, je vous le dis, il y a une tournée. Je sais pas comment tu vas faire. 40 dates, c'est un truc de malade. Tu vas commencer par Bercy le 30 septembre 2017 et après, bah, t'enchaînes. Hein. Ouais, et encore, non. Bercy, je vais terminer. Ça, c'est vers la fin, ça. Ouais, tu commences le 8 mars à Amiens, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, on termine donc avec Bercy et le stade Vélodrome. Mais le gars, en fait, il n'y a pas de jour de congé. C'est un truc de malade. Et ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont mis un coach sportif sur le dos et que je dois travailler mes abdos, mon cardio jusqu'en mars. Et tu vas pas nous faire un malaise, hein? Non, jamais. On va se faire de l'inquiétude, nous, tu non, sais. Non, jamais. Sopra, les amis, bon, bah, il est avec nous et vous le savez, il a fait que des tubes. Du coup, on s'est dit, on va faire un petit récap de toutes les parodies qui ont été faites sur tes tubes. Waouh. Il y en a énormément, je sais pas si tu les connais toutes. Ah non. Tu vas me dire si selon toi elles existent ou pas. Est-ce qu'il existe une parodie de ton titre clown nommé Plouc pour se moquer de François Hollande, à ton avis? Ah, c'est possible. Eh ben oui, écoute, c'est ça. Désolé les Français si parfois je suis maladroit. Et ce costume de chef ne me va vraiment pas. Je me cache derrière ce gouvernement. C'est pas mal. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix de ce gars? T'es, j'ai jamais entendu ça. Ah si, elle a cartonné. Elle a je sais pas combien de milliers de vues sur YouTube. Ah ouais, j'avais jamais. Ah ben voilà, je découvre. Pas mal. Est-ce qu'il existe une parodie de ton titre En Feu chantée par les parties intimes d'Afida Turner, à ton avis? Non. Mais ça pourrait venir. Eh, c'est. Oui, mais ce serait lui donner une trop bonne idée, là, en fait. Oui, d'accord. Ouais, est-ce qu'il existe une parodie de ton titre Barman en version portugaise? J'ai un doute. Eh ben ouais, ça existe, écoute. Sérieux? Comme tous les soirs, je rentre du chantier. J'ai mal aux pieds, j'enlève les bottes de sécurité. Alors je me baisse un peu pour les délasser. Et là, une odeur... C'est énorme. Non, mais c'est sérieux, ça? Ah oui, je te jure, c'est sur YouTube aussi, 300 000 vues. Oh, ça se voit que je vais jamais sur YouTube, moi. Ah, il faut que t'ailles voir. Il y a des pépites. Ah ouais. Est-ce qu'il existe une parodie de ton titre Barman nommée Banane et chantée par les Mignons? Ah, ça, c'est possible. Ouais, et alors là, je l'adore, c'est ma préférée. Ah, j'ai entendu, je crois. Ce soir, je suis chambée, j'ai la banane qui roule. c'est de cool ça. J'aime bien. C'est mignon. C'est bien fait. Banana. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il existe une titre de ton, une parodie de ton titre Fresh Prince nommé Fresh Pince? Ah, ça c'est possible, c'est très très possible. Ouais, ça doit être possible. Sur ça. Les radins, j'aime bien. Je rentre dans le club avec rien dans les poches. Je suis un profiteur, de toute façon j'ai des potes. Pince, pince, pince, je suis un crabe pour mes proches. Alors, les gens ils se déchirent. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est beau, hein. Bel hommage. Et enfin, est-ce qu'il existe une parodie de ton titre Fresh Prince, chantée par Jean-Marc Morandini, intitulée J'ai prêt, remets-nous des garçons? Non. Celle-là, je pense non. pas. C'est pas ça bien. Va pas, non. Enfin. Oh, non, non, je valide même. Pas cette vanne. En tout cas, Sopra, je sais pas si tu te souviens, mais Vaché de l'équipe de Bruno dans la radio le matin avait parodié Cosmo. Oui. Oh, et alors, je sais pas si t'es au courant, mais il l'a refait. Arrête. Avec ton titre En feu. En feu, voilà, c'est ça. Ça s'appelle Je suis en chien. Nicolas le pervers, est-ce que tu l'as, Thibault? Ouais, je suis en chien. J'ai chaud, je suis en chien. J'ai chaud, je suis en chien. Comme l'équipe de Guingamp, mon palmarès, c'est gênant. Je suis en chien. J'ai trempé mon pinceau dans la terre, dans du flingue. Je suis en chien. J'aimerais aller de la. Il est frais ou pas? Donc en fait, à chaque fois que tu vas sortir un nouveau titre qui cartonne, lui il va sauter dessus. Il va te faire une parodie quoi. Mais il pourquoi est bon. Chaque fois il a un chien? L'autre c'était quoi? Ah mais attends, je te rappelle que c'est Nicolas le pervers. Bah oui, hein, c'est son personnage. Tu vois? Ah ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Tu l'inspires, Sopra, c'est tout. Il a un peu une vie intime quelque peu désertique. On a encore de la question pour toi, Sopra. Il y a Benoît à Angoulême qui est avec nous. Salut Ben. Ouais, salut Marion, salut Anso, salut Sopra. Est-ce salut Benoît, comment tu vas? On est content d'être là. Là. Mettez-moi au jus. Ouais, c'est vrai qu'on t'avait pas prévenu. Vas-y mon pote. Oui, moi j'ai une question. Mon petit frère, il veut faire de la musique. Est-ce que t'as des conseils pour lui, Sopra? Ben, en fait, le meilleur conseil que je donne à chaque fois qu'on pose cette question, c'est de toujours faire de la musique, toujours faire des chansons, ne pas se dire je vais la garder pour tel ou tel projet. Tu les fais. Si tu as une chaîne YouTube, ben tu les mets. Et à un moment donné, il y a un public qui commence à arriver et qui commence à te suivre. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer à faire des chansons. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Tu lui diras. Yes. Faut qu'il se trouve un petit style à lui et tout, Ben, tu vois. Tu le coaches un peu, quoi. Voilà. Ouais. Hein? L'important, c'est qu'il soit lui. J'ai une autre question. J'ai vu que je suis passé à Angoulême et moi, je suis magicien. Est-ce que ça serait possible de venir te voir et de venir te faire des tours de magie? Avec. Bien sûr, tant que tu me fais pas disparaître, y a pas de problème. C'est magnifique. Mais attends, c'est quand qu'on a Angoulême? Alors tu seras le 4 mai. Ah vas-y, y a Angoulême. Pas de problème. Mais voilà. Tu fais quoi comme tour de magie, Benoît? Un petit peu tout, des cartes, des billets, des cordes. Qu'est-ce que c'est? Des cordes. D'accord. Alors là, tu nous as intrigués. Des cordes. Tu fais quoi avec ces cordes? Bah, par exemple, il y a 3 cordes, une petite, une moyenne, une grande, et elles deviennent toutes de la même taille. Ah, sympa. Wow. On veut voir ça. Tu nous as donné l'eau à la bouche. Débarque à Angoulême, on essaye de voir ça. Ça marche. Voilà. On t'embrasse, Benoît. Ouais, est-ce que je peux avoir une dédicace? Oui, bien sûr, on t'organise ça. Et bravo à maman et papa d'avoir fait des enfants artistes, en fait. Hein. Ouais. Bisous, Benoît, on t'embrasse. Bisous. Ciao. Il y a Virginie aussi de Lyon qui est avec nous. Bonsoir, Virginie. Salut l'équipe, salut Sopra. Salut Virginie, salut. Comment tu vas? Ça va et vous? Impeccable. Alors, moi j'ai une petite question pour toi. Je voulais savoir au niveau de tes clips, si tu participais à la création en donnant des idées, en mettant ta patte, ou si tu laissais libre cours au réalisateur. Ça dépend. Fresh Prince, ça c'est un peu moi, ouais, quand même, qui a fait le clip. Les deux derniers, j'ai laissé les réals. Ça veut dire en feu et le diable ne s'habille plus en Prada. Ouais, mais s'il y a un truc qui te plaît pas, tu le dis quand même. Ouais, en général, ouais, quand même. Mais voilà, et sinon, ouais, en général, c'est ça part de mes idées. Ouais. Par exemple, donc il y a quand même ta patte dedans. Ouais, j'essaie. D'accord. Ouais. Voilà, Virginie, tu pourras dormir bien sûr tranquille. Elle est rassurée. On te sentait quand même un peu inquiète, tout ça. Ben, détends-toi. Non, mais je veux poser la question parce que des fois, il y en a, ils laissent complètement comme ça, tu sais, et puis. Mais c'est t'as vrai. Raison, voilà. Virginie, c'est vrai. Dans le clip, t'as un bout de la personnalité du chanteur, donc forcément. Bravo, Virginie. Ça, c'était beau, là. Bravo, Virginie. Tu vois, il y a de la poésie ici. C'est bien. Ça, c'est parce qu'on est des femmes, c'est pour ça. C'est ça. On t'embrasse, ma belle. Je veux avoir une dédicace. Oui, bien sûr. En fait, tous ceux qui passent à l'antenne, on va vous faire des dédicaces, vous inquiétez pas. Super, c'est sympa. Bisous, Virginie. Bisous, ciao à tout le monde. Bye bye. Bon, dans un instant, Soprano, tu vas voir ce qui va se passer. Je pense que tu vas pas être déçue. comment dire? Bon, on va faire une adaptation dans feu. Voilà, c'est ça. Voilà. Quelqu'un, un membre de cette équipe va avoir très chaud. Ne ratez pas ce moment, vous derrière votre radio. 01 42 48 5000 pour poser vos questions à Sopra. On se retrouve juste après Cib sur Fun. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. C'est nous, on est en direct jusqu'à minuit avec Soprano ce soir. Allez-y sur les réseaux sociaux, là, hashtag Soprano dans le night show. Vous lui posez des questions, nous on vous lit parce qu'on kiffe, on fait des jeux, on fait plein de trucs, il est sympa, il est là. Est-ce que tout va bien pour l'instant, Sopra? Impeccable. Bon, et ben tant mieux parce que ça risque de changer. Enfin, ouais. Pas pour toi. Je vais t'expliquer ce qui va se passer là, maintenant, tout de suite. D'accord. On a essayé de trouver une idée rapport à ton titre, en feu, la chaleur, tout ça. Ça mouline. Du coup, on a fait des recherches et on a trouvé un sauna portable très efficace. Oui, ça existe. Vous savez, okay. Les saunas, ça diffuse de la chaleur. Normalement, ça permet de se détendre. Oui. Mais là, et puis d'enlever éventuellement quelques impuretés dans les pores de la peau. C'est ça. Sauf que là, le sauna peut monter quand même à un certain nombre 47, de degrés. 47 degrés. Ouais. Voilà, ça va très haut. Du coup, on s'est dit, on va faire quelque chose. Un membre de cette équipe, au hasard Enzo du standard, aura la lourde tâche de se retrouver dans le sauna habillé en combinaison de ski. Oh non. Comme toi, tu es fan de l'OM, c'est un secret pour personne. Je vais te poser des questions sur le PSG. À chaque mauvaise réponse de ta part, la température du sauna va augmenter. Enzo, tu vas directement. Ah mais il va bronzer, okay. Il va être plus noir que moi lui. Alors, j'ai l'impression que c'est au moment pue le malaise. Non, ça va être très sympa, mais à mon avis, ça va sentir la chaleur, la transpiration. Se met. Allez, Facebook vas-y, Live. Et ça fume. Ça fume, c'est terrible. Il y a de l'eau et tout. Quoi. Alors, attends, je vous le dis, il est en vraie combinaison de ski. Il y a juste la tête qui dépasse. Il y a la chaleur. Et on se met évidemment sur le Facebook. Pour l'instant, il a le sourire. Hein. Pour l'instant, ouais. On est bien. J'ai la télécommande. Je gère la température. Ça va, Enzo? Ouais, nickel. Bon, Sopra, première question. Oh, très simple. On commence, nickel. Comment s'appelle le stade du Paris Saint-Germain? Réponds pas. Ils ont un stade. Arrête. Le Parc des Princes. C'est bien, je n'augmente pas la température. Plus dur, en quelle année a été fondé le PSG, Sopra? Je sais pas. Prends ton temps, écoute, prends ton temps, il est bien là. Depuis combien de temps? L'année dernière. Depuis Nasser. Et non, mauvaise réponse, c'est 1970, j'augmente la température. Désolé, bichon. C'est dur, là, comme ça. Il y a tout le staff de Sopra qui lui souffle des trucs faux, quoi. Normal. Plus, hein, c'est ça. Comment s'appelle Marseille. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG? J'allais te dire Paoletta. Non, c'est Zlatan. Allez, j'augmente. Oui. Excusez-moi, juste avant la prochaine question, est-ce qu'on peut faire un point sur Enzo? Là, c'est insoutenable, vraiment. C'est pas grave. Allez. Mais on a fait que de mauvaises réponses. Là, c'est pas sympa. En fait. Tu restes dedans. À 10 près, combien de buts a-t-il inscrit sous le maillot du PSG, Zlatan? À ton avis? Je dirais un truc au hasard, je crois, mais je me rappelle, c'est dans la 100. Eh ben, t'es pas si loin, mais c'est pas ça, c'est 156 buts. Je suis désolée, bichon, j'augmente. Hein. Ça va bien se passer. Dis-toi que tu perds des calories, c'est cool. Non, c'est mieux que le sport. Ça va? Non, franchement, c'est très très chaud, mais franchement, on s'habitue, c'est cool. Mais d'accord. Moi, j'ai hyper chaud. Alors, celle-là, Sopra, normalement, tu devrais la connaître. Complète ce chant de supporters parisiens. Marseille, Marseille, on t'en... C'est facile, ça. On t'envie. Ah non. Bien vu. Je suis désolée. Mais c'est pas ça. Ouais. Désolée, Enzo, j'augmente la température. Ah merde, c'était pas ça. Non. Attends, c'est ce que j'entendais à chaque fois qu'il y avait un derby. Non, c'est vrai. Quelle équipe affronte le PSG en ce moment même, là, tout de suite? Il y a un match. Ouais, c'est. Mais non. La moutarde. Ah merde, je sais c'est qui, mais je vais dire autre chose. Non, allez. Regarde les yeux qu'il a. Allez, Dijon. C'est gentil. Ça va. C'est Dijon. Et c'est vrai qu'on dirait un animal qui aurait été percuté sur le trot. Ah ouais, là. Il est triste. Hein, il est vraiment triste. Quel est le nom du capitaine actuel du PSG? Regarde, le mec a rien compris. Ben Arfa, il joue tous les matchs. Je suis désolée. C'était Thiago Silva, évidemment, j'augmente. Non, mais non. De deux fois, allez hop. Dans son histoire, le PSG a remporté plus de trophées que l'OM. Vrai ou faux? Dis la vérité. Impossible, impossible de chez impossible. Je dis non. Malheureusement, c'est vrai. 30 trophées pour le PSG, 28 pour l'OM. Vous êtes pas loin, j'augmente encore une fois. Là, c'est la faute au PSG. Là je vais le dire. Excusez-moi. Enzo est vraiment pas bien. Hein. Ah non, il est vraiment pas bien, le Il est vraiment pas bien. On va abréger le jeu, mais il reste deux questions. On prend quand même notre temps. Quel est le score exact du dernier match entre PSG et OM? 0-0. Eh ben non. Rappelle-toi, c'était le 21 mai 2016. Finale de Coupe de France. Ah, c'était quoi? C'était. Il va pas s'en rappeler parce qu'ils ont perdu. Mais bien sûr, je me rappelle jamais de ce genre de truc. On va dire 2-1 pour 2-1. Non, c'était une plus grosse tôle que ça, c'était 4-2. Je suis désolée, j'augmente. Allez, la dernière question. Quelles sont les trois équipes qui accompagnent le PSG dans son groupe en Ligue des Champions cette saison? Y a qui en Ligue des Champions? Y a qui? Et là, c'est hyper chaud, là. Y a Monaco? Non, là, c'est au max. Non, y a pas. Y a qui avec eux? C'est la dernière question, on augmente bien, là. Hein. Bon, je t'explique. Quand y a pas l'OM, j'en ai rien à faire. Eh ben, y a pas l'OM, c'est Arsenal, FC Ball et Ludogorets. Impossible à prononcer en plus. Eh ben, j'augmente, puissance maximale. À fond. Résiste. Comment on se sent? Comment tu te sens? Pat, c'est sympa dans l'ensemble. Il y a une bonne odeur. Ouais. Mais j'aimerais bien sortir quand même. Alors, ouvre voir s'il y a de la fumée. Comment ça se passe si tu transpires? Montre un peu. Sors, j'ai envie de voir s'il transpire. Même moi, j'ai chaud. Vas-y, lève-toi. Je veux voir s'il y a de la transpiration ou pas. Enzo sort du sauna portable. Ah ouais, non, mais ouais. Ça va. Enlève ta combi, moi. Franchement, mec, t'es quasiment sec. Il y a beaucoup de fumée, je ne vois plus rien. Attends, il fait le beau gosse. Franchement, il en sueur quand même. Bravo, Enzo. Lourd. Et alors, je voudrais féliciter Enzo parce qu'on avait testé avec le stagiaire Pablo qui, lui, est sorti, mais transpirant, dégueulasse. Ouais. Et alors, lui, pas une goutte, quoi. Le gars est clean, il transpire pas. Tu sais quoi, il reste digne. Même moi, je transpire, en fait. Mais regarde comment il est parti vite de la salle aussi. Ah, tu m'étonnes. Attends, il s'est dit, il y a des filles, on va tenir, mais... Si tu veux repartir avec le sauna portable, c'est cadeau, c'est le night show qui offre. Voilà. Ok, ça va, je pars avec. Voilà. Bah voilà, très bien. Vraiment? Bah oui. D'accord. Tu voulais le garder? Bah je me suis dit, t'es entre, je sais pas, moi le matin, t'arrives, hop, petit sauna, non? Pas de soucis, puisque Sopra est mieux vu que moi, pas de problème. On a de la question pour toi, Sopra. Il y a Alexandre de Pau qui est avec nous. Bonsoir, Alex. Salut les filles, salut Sopra, baba. Salut Alex, comment ça va? Ça va. Impec. Alors dis-nous, t'avais une question? Ouais, j'ai une question. Alors, je voulais savoir quelle est la musique qui marche le plus pour d'après toi pendant tes concerts, les nouvelles ou les anciennes? C'est Cosmo. Eh ouais, Cosmo tout le temps. Cosmo, c'est partout, je le fais, que ce soit des concerts très rap ou concerts très ouverts, festivals, mariage, anniversaire, c'est Cosmo. C'est un truc, mais je crois que le morceau m'a dépassé. Mais oui, mais elle donne tellement envie de faire la fête et d'aimer les gens, c'est vrai. C'est très cucu ce que je dis, mais c'est la vérité, tu vois. Du coup, je comprends. C'est pas du tout cucu, mais. Si, un peu. J'ai envie de t'embrasser, je sais pas ce qu'il arrive. Le fais pas. Et dans les anciennes, c'est Hiro. Voilà. Hiro, elle passe partout à chaque fois. C'est laquelle t'as préférée, toi, Alex? Moi, je les adore tous. Ah, merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. Eh bien, tu sais quoi, nous t'envoyons une gentille dédicace, Alex, du coup. Bah, merci. On t'embrasse? Allez, à plus. Bisous. Ciao. Ciao. Bon, restez avec nous puisque sur Fun Radio dans un instant, on aura Soprano qui va nous faire un live de son dernier morceau. Oui. Et puis vous au 01 42 48 5000. Bon, on t'a prévu encore 2-3 petites choses, Sopra. Je suis là, je bouge pas. Tu vas devoir faire quelques petits défis sympathiques, tu vas voir, ça va être cool. Y a pas de problème. On se retrouve juste après The Chainsmokers sur Fun Radio, on est en direct jusqu'à minuit. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anne sur le Night Show avec Soprano ce soir. Oui. Alors, parce qu'on dit tout aux auditeurs, on va vous le dire, Soprano est aux toilettes. Mais non, mais demande à son frère, il va t'expliquer peut-être, je sais pas. Bah, viens. Il le sait, viens. Frère de Soprano. Le connaissant très bien, c'est la grosse commission. Alors, ah,

have these curves. Oh yeah, yeah, yeah. Stop getting on my nerves. Soprano, de 22h à minuit, c'est le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Et je suis heureuse de vous annoncer qu'il est revenu des toilettes. Soprano est là, les gars. Bravo. Merci, quel parcours, quel parcours. Vraiment, on espère que ça s'est bien passé pour toi, que tu as apprécié ce moment, ouais, même si on connaît les toilettes de Fun et on s'en excuse. Voilà. Ouais. Sache-le. Je suis un peu plus détendu, je suis un peu plus relaxé. Voilà. Et ben c'est parfait parce qu'on t'a encore réservé des surprises. J'ai envie de me faire un petit kiff sonore là, j'ai envie de me mettre celle-là, tiens. La préférée d'Anso, le pain. Ouais. Tu sais que je l'écoute quand je fais du jogging, parce que oui, ce corps de rêve s'entretient. Et bah, ça marche vachement bien quand on court. Ah, ça met la pêche. Et bah, celle-là aussi, remarque. Ça motive. Mais non, mais ça me fait faire n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Elle est pas très coordonnée au niveau des mouvements, Anso. Non, ça marche pas bien. Bon, on a Valentin de Bayeux qui a une question pour toi, Sopra. Bonsoir, Valentin. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Salut Valentin. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Oh là là, je vais pleurer là. Ça y est, là, je suis passé sur la radio, j'y croyais pas. Alors mon chat. Trop mignon. Et détente, on est entre poteaux. Oh, c'est incroyable. Oh, il est eh ben, profite-en. Alors, je reviens pas là. Il y a Sopra qui est là, vas-y mon pote. Ça va Soprano? Et toi, comment tu vas? T'es caché? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles doucement? Désolé, faut que je me remette de mes émotions là. Oui, trop chou. Alors Valentin, tout va bien. Alors je vais te poser une question Soprano. Dis-moi. Est-ce que ça t'arrive d'avoir un petit rituel avant d'entrer sur scène? Ouais, avec les collègues, on s'attrape dans les bras, on lit une petite prière et après on commence à dire des conneries. Et à la fin, on commence à chanter, à crier un cri de guerre. Je sais pas si tu connais le film 300. Ouais, moi je connais. Font... Moi je regarde pas spécialement tes concerts ou. Non, enfin, j'écoute surtout beaucoup de musique. Mais le film 300. Oui, mais 300. Le film 300, tu connais? Ah non, je connais pas, non. Ah ben, c'est le film que Soprano a fait, que t'as fait Valentin, 300, c'est un blockbuster américain, hein. C'est ça. C'est un film et ils ont un cri de guerre qui fait aouh. Ouais. Et c'est vrai que nous, on fait ça avant de monter sur scène. Ah ouais. Mais dis donc, Valentin, j'ai l'impression que t'auras appris vachement de choses ce soir. Hein. Ah non, mais c'est incroyable. Je me suis dit parce que y a Yannick qui m'appelle, enfin qui m'a appelé avant-hier, ouais. et puis il m'a dit parce que je devais réagir à propos d'Antonin là. D'accord, Valentin. Mais du coup, est-ce que t'as une anecdote? Alerte info, d'après une étude scientifique américaine, il semblerait que nous subissions un moment terriblement chiant. Mais non, Thibaut. Ah si, il a raison. Oh, c'était chiant la merde. Bon, mais non. Mon pote, est-ce que tu veux une dédicace de Soprano? Ah, je veux bien, s'il vous plaît. Et ben, c'est pas de souci, on t'envoie ça. Est-ce que je peux passer une dédicace ou pas? Oui, bien sûr, Valentin, vas-y. Ok, alors, dédicace à Mallory, à ma tata Sandrine, Benben, à mon papa, à Alan, à ma mère, à Tiffaine, dédicace à la Normandie, à Chloé et à Zélia, la sœur de Myriam. D'accord, on embrasse aussi le Loir-et-Cher. Merci, Fan, vous gérez. Oh là là. Et on t'envoie le DVD 300, Valentin, y a pas de souci. On t'embrasse, mon pote. Et génial, lui. Ciao, Valentin. Alors, Sopra, on va faire un petit jeu avec toi. Dis-moi. Le jeu est simple, c'est je suis chaud ou je suis pas chaud. On va te lancer des défis. D'accord. Et tu devras nous dire si t'es chaud ou pas pour les relever. Alors sachant que ça nous arrangerait globalement que tu sois chaud pour tous les défis. Ouais. En gros, c'est ton capital sympathie qui est en jeu. T'as le droit de refuser, mais si tu refuses, c'est quand même pas cool. Donc tu réponds je suis chaud si tu te sens capable de relever le défi ou je suis pas chaud si t'es pas capable, d'accord? Et si je suis pas capable, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le relève à ma place? Ah, c'est possible. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Ah. Oh, je sais pas. Et c'est marrant parce qu'il regarde beaucoup Amir. Ouais, ouais. Parce que moi, je suis team Paris. Alors, Sopra, chaud ou pas chaud pour chanter du Daniel Balavoine à cappella? Oh, c'est dur ça. Je ne sais pas, je ne peux pas, mais je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Alors franchement, c'est stylé, mais j'aurais aimé que tu sois pas chaud pour entendre Amir le faire, personnellement. Bah moi, justement, j'espérais qu'il soit chaud, en fait. Sopra, chaud ou pas chaud pour lire le dernier SMS que tu as reçu? Je vais te dire ça dans 3 secondes, ça dépend c'est qui. Ouais, bah oui, je comprends. Attends, ça dépend, peut être compliqué. Ah, il est pas chaud. Je suis pas très chaud. Amir, tu peux nous lire ton texte? Ah merde. Vas-y. Dernier SMS que tu as reçu, dis la vérité, bichon. Même si c'est nul, on s'en fout. Ouais. Allez, il check. Je suis sûr qu'il va mentir. C'est chiant. Non, ça se fait pas. Non, mais c'est ma sœur. C'est ma sœur. Et alors, elle dit quoi? Elle me demande que je lui rende son argent. Est-ce que t'empruntes de la thune à ta sœur? Écoute, qu'on est en galère, on est en galère. D'accord. Eh ben, rends-lui sa thune. Sopra, est-ce que t'es chaud ou pas chaud pour faire le répondeur d'un membre de l'équipe à l'antenne? Moi. Vas-y. Tu me le fais? Vas-y. Bah vas-y. J'enregistre, attention. T'es prêt? Oui. Allons, c'est son prénom. Laisse un répondeur, laisse un message sur la messagerie de Anne. Non, t'inquiète pas, c'est bien son répondeur et c'est bien son prénom. Absolument aucun sens. Ah ouais, mais c'est pas mal, je vais le garder quand même, on sait jamais. Est-ce que t'es chaud ou pas chaud pour donner le numéro de Kenji Girac à l'antenne? Ah ça, je suis pas chaud. Ouais, je comprends. Bah Amir, tu peux peut-être donner le numéro de Kenji? Bah, je suis pas chaud non plus. Le mec, il a pas en fait. C'est ça. Sopra, est-ce que t'es chaud ou pas chaud pour donner en exclu le nom de ton prochain single? Ah oui. Ah ça, tu peux. Allez, une petite exclu. Allez. Alors, ce que je peux dire comme exclu, c'est que je ne le fais pas tout seul. Ah, c'est un featuring. Ah. Voilà. Ah, mais on a trop envie de savoir qui maintenant. On peut deviner, genre. Les gens qui ont vu le track listing, ils vont faire la liste, ils vont dire bon, c'est pas bien. Attends, parce que Thibaut Allaret a une supposition. Ça. Mais je ne dirai rien et j'ai donné une grosse exclu. Thibaut, c'est qui? Je sais pas. Moi, je trouve que ça fait genre quelques mois qu'on n'a pas trop entendu La Fouine, tu vois. Ah non, il est pas dans mon tracklist dans mon album. Ouais. Ah non. Eh ben, on va regarder le tracklist. Regardez chez vous, dites-nous là sur les réseaux, qu'est-ce que ça peut être. J'ai bien envie de savoir. Sopra, chaud ou pas chaud pour appeler un monsieur ou madame soprano, parce qu'il y en a dans l'annuaire. Ça existe, ça? Oui, et lui demander de changer de nom expressément. Ah oui. D'accord, vas-y. Oh, allez, cool. Bah, faut que ça décroche parce qu'il est quand même 22h55. T'imagines des sopranos qui se passent. C'est un truc de fou. C'est où, Soprano? Dans le sud, Yannick Ostendard? Ouais. Ok. South. Oui, car je suis bilingue. Oui, allô? Allô? Oui. Allô, c'est Monsieur Soprano? Oui, c'est n'importe qui. C'est Monsieur Soprano ici. Oui. En fait. Attendez, je vais arrêter la télé. Alors. Ah oui. Excusez-moi. J'arrête la télé. Vous appelez Soprano aussi? Voilà, je m'appelle Soprano et chaque fois on me compare à vous. Je connaissais des Sopranos à Marignane. Ouais. C'est ça? Non, je ne suis pas de Marignane. Je suis de Marseille. À Marseille. Ah, Soprano à Marseille, alors c'est peut-être la même famille alors. Moi je suis descendant de Pascal Soprano. Descendant de Pascal? Oui. Non, je pense pas qu'on est de. Mais c'est pour ça qu'on nous confond. Parce qu'on est 11, ils sont. Pascal, ils étaient 11 frères et sœurs. Ouais. Je connais que les filles, il y a. Mais là, je suis loin, ça, je me rappelle plus. Il y a Pascal. Je connais plein, je connais deux ou trois tantes, mais je connaissais pas d'autres garçons que Pascal. Mais le problème, c'est que tout le monde, je pense que tout le monde nous confond, et je voulais savoir, bien sûr, si c'est possible, si on peut changer de nom, quoi. Ah non, faut pas. Attendez, moi je peux vous aider parce que c'est mon métier, je suis avocat, je peux vous faire on peut faire une déclaration de nom au tribunal pour essayer de changer, mais pourquoi vous voulez changer? Vous n'avez pas un prénom? Mais pas... Moi, j'ai... Non, pas moi, vous. Ah moi? Ah non, je peux pas, moi je suis trop engagé, ça fait... Oula, je connais depuis 5 générations, je peux pas changer, que deviendraient mes enfants. Ah, oh, il est gentil. Il est trop gentil, non, monsieur. Il est gentil, vous êtes à la radio, monsieur. Oui, mais il faut éteindre cette télé, monsieur, hein. Quoi, c'était... Ah bah là, il y a un boucan derrière vous. Ah bon, je viens de l'arrêter, c'est dans la rue. Ah, désolé. Et vous regardez la télé dans la rue? Non, c'est le bruit, c'est le bruit de la rue. C'est ouvert, c'est le bruit, ouais. Monsieur, vous êtes en direct sur Fun Radio et c'est Soprano, le chanteur, qui est avec vous, là. Il voulait vous appeler pour vous faire une blague. Ah, parce que moi, ça m'intéresse parce que je suis chanteur aussi. Je suis bariton. Je suis bariton, ça m'intéresserait, ouais. Oui, mais est-ce que vous connaissez Soprano, le chanteur? J'ai entendu parler, ouais. Ah là, c'est lui. Ah, je vous avoue, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui s'appelaient Soprano. Homonyme, voilà. Des homonymes, oui. C'est ça, je savais des pas. Des homonymes. Moi, simplement, je sais que mon grand-père est de... Et mon grand-père, il est de Rome, et mon père est né à Torre Annunziata. Voilà. Ah oui. D'accord. Ah, oui, c'est intéressant, ça. Moi, d'accord. Les miens, ils sont de Mkasi, de Comores. Donc, ça n'a aucun rapport avec l'Italie. Voilà. Mais sinon, les gars, vous échangez vos numéros, puis peut-être... Ah, mais il est cool, il est avocat, si j'ai un problème. Trop... Moi, je vais vous donner mon numéro, attendez, bougez pas. Non, monsieur Soprano, monsieur, le faites pas, vous êtes en direct sur Fun Radio dans toute la France, ne donnez pas votre numéro de téléphone. Ah, d'accord. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, on va vous donner le standard, ils vont tout vous expliquer, d'accord? D'accord. Voilà, vous êtes adorable. Adorable, on vous embrasse. Ce qui m'intéresserait, ça serait de faire des consultations, parce que j'en ai fait quand j'étais étudiant pendant 8 ans. Parce que j'étais clerc d'huissier quand que j'étais étudiant. Alors j'ai l'habitude et maintenant je ne peux pas en faire parce que je me suis disputé avec un ordre d'avocat de Chambéry. Ouais. Okay. Bah, je comprends, ouais, c'est sûr, c'est pas difficile. Parce que j'ai été trop. J'ai reçu une personne qui venait du même pays que moi. Ah, un Italien, quoi. J'ai reçu un Italien. Mais il s'appelait pas Soprano. Et il s'appelait pas Soprano. D'accord, les Italiens, c'est ça. Et bon, il n'a pas été. Je lui ai fait la morale parce qu'il est venu me voir parce qu'à ce moment-là, je travaillais à Que Choisir. D'accord. Vous me suivez, c'est pas un travail, c'est un truc qu'on fait bénévolement, quoi. Ouais, bénévolat, c'est que choisir, parce que je le faisais quand j'étais étudiant, quoi. Ok. Alors je vais là-bas et puis j'ai consulté pour lui. Soprano, juste parce qu'on est quand même en direct et on est en train de faire une émission de radio. Voilà. Et que là, justement, Soprano va chanter, donc je vous propose de vous brancher sur Fun Radio pour l'écouter. Et puis on va vous repasser le standard pour parler bénévolat, clerc de notaire, tout ça. Voilà. Ok. On vous embrasse, monsieur Soprano, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Cool. Ah ouais, lui, alors lui. Lunaire. Mais pourquoi il a raconté sa vie comme ça? Je sais pas. Je suis voilà. Mais en tout cas, les sopranos de France sont très gentils. Ah franchement. Ouais, franchement. Et bravo Sopra parce qu'il a relevé le défi. Bravo Sopra, j'ai envie que tu t'installes. Et attends, que... j'ai un problème. Qu'est-ce j'ai un problème. Je suis obligé de lire le dernier texto. Je viens d'avoir une menace. Ah. Alors. Comment? Tu lis pas ton dernier message? Tu as quelque chose à cacher? Voilà, c'est un petit message. Mon dernier texto message que je viens de recevoir oui, de ma femme. Ah oui, bah tu m'étonnes. Voilà. Ah donc oui. Voilà, je le lis. Et Amir, désolé, j'ai volé la... Mais non, mais c'est ta femme, c'est normal. Ah, mais non, mais il est sage comme tout, Soprano. Ouais. Et il va chanter en plus. Vous êtes là au meilleur moment, madame. Exactement. Soprano, voilà. Installe-toi. On y va? Allez, oui. On y va, c'est allez, parti. Vas-y. Soprano en live. J'espère que monsieur Soprano a bien branché Fun Radio parce qu'il faudrait pas qu'il rate ça quand même. Ah, mais lui, on va garder son numéro, on le rappellera. C'est juste le client de l'année. Obligé. Bon, les gars, le feu dans le studio, le feu chez vous, évidemment, c'est une façon de parler. Ah. Ouais. On n'incendie pas ces maisons. Est-ce qu'on a le droit de danser derrière toi, Soprano, ou est-ce que tu ne veux pas de notre participation? Foutez le feu. Ok, mortel. Okay. Eh ben, Soprano en live, c'est en feu tout de suite sur Fun Radio. Yeah, papa. Ah. Yes. Je crois qu'il faut que tu baisses un peu. Je suis en feu. Je suis chaud. Je suis en feu. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir, je suis un. Je suis en feu. Pull up. C'est trop fort, mon frère. Ah là là là. Oh ouais, j'entendais alors, rien, mon frère. Thibaut Alaréa, tu viens de désolé, ruiner frère, le live de Soprano. Alors, il en fallait bien. Non, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Ah voilà, c'est ça. Ah, c'est voilà, on a échangé les casques. Ça va aller comme ça, vous nous dites. Ah, on le refait. Là, par contre, là, c'est trop bas. Là, c'est trop bas. C'est trop bas. Et là, je veux tout le monde avec moi derrière. Si allez, vous voulez, ça marche, on danse, on arrive. Motivé. Vas-y. C'était le faux départ du soir. Maintenant, je vous nous remets le feu. Hein. Ouais, là, c'est bien. Bon. Vous êtes bien ou pas, les gars? C'est bon. Vous êtes chaud? Tu m'as pas entendu tout à l'heure quand je te l'ai dit. Allez, vas-y, on y va. Yeah. Yeah, bah. Est-ce que vous êtes la Fun Radio? Tout le monde. Je suis chaud. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir, je peux sourire comme Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai sorti le gros gamin. Ce soir, je suis le prince de la ville. Je suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus. Appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce soir, je suis intouchable. Je danse comme Omar Sy. Je suis en feu. Le soir, le salut. Même Michael Jackson me dit merci. Je suis en feu. Le DJ me fait une passée. Boum, dans la lucarne. Je suis en feu. Sors de la piste. Fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regarde d'un hublot. Si tu me croises, VMV. Si tu me parles, VMV. Si tu me touches, VMV. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. Comme l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stéphane Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des urineurs. Je suis en feu. Comme ce grand Blondiné énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec le trophée. Je suis en feu. Tu m'as appelé Kirikou, ce soir je suis John Coffey. Je suis en feu. Comme la soeur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Comme les petits dans mon lit à 6 heures du mat, les gosses. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur eux. J'ai l'impression de planer. Regarde d'un hublot. Si tu me parles, FMV. Si tu me parles, FMV. Si tu me touches, FMV. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Mets le son, mets le son. Là je veux voir tout le monde danser, tout le monde danser. Appelle les pompiers, je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers, je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers, je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. Ça sent le brûlé, ça sent. De planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, FMV. Si tu me parles, FMV. Si tu me touches, FMV. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, appelle les pompiers. Très vite, ils sont chauds, faites-moi jouer. Si vous saviez l'ambiance dans ce studio, ça a dansé, mais de ouf! Ça a chanté, c'était ouf! Bravo mon Sopra, reviens vers nous là, reviens qu'on discute un peu encore. Non mais franchement, sans déconner, à chaque fois que tu viens dans l'émission Sopra, c'est vraiment un pur kiff quoi. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, franchement. Ah, Zach aussi nous a chauffé. Hein. Ouais. Amir, il a fait des pas de danse extraordinaires. Je tenais à le féliciter. Merci. Bravo, bravo. T'as sûrement été filmé. Hein. Merci pour nous. Merci à toi, Sopra. T'as été très bien, Anso, je t'ai vu. Bon, Sopra, on a encore une question pour toi. Ça nous vient de Cholet. Ah. C'est Atlan. Bonsoir, Atlan. Allô? Oui, allô? Atlan. Atlan. Allô? Vas-y, oui, c'est à toi, bonsoir. Mon pote. Il nous entend oui, pas. Oui, bonsoir. Hein. Ah, il nous entend. Ça va, mon pote? Ça va et vous? Ouais, très bien. Je te présente Sopra. Sopra Atlan. Salut, Sopra. Salut, Atlan. Ça va bien ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va, impeccable. Alors, dis-nous, c'était quoi la question? Alors, moi, j'ai vu dans le clip Cosmo des gens qui se filmaient et qui passaient quoi sur le clip. Ouais. Et dans le clip, j'ai vu Anaïs, Shana et Thibaut. Les Marseillais. Qui ont fait de la télé-réalité, les Marseillais, etc. Oui. Et je voulais savoir si c'était volontaire de ta part de les avoir intégrés ou un pur hasard. En fait, c'est, on a demandé à plein de monde et on a reçu plein de vidéos. Moi, je connaissais un peu Thibaut, qui est de Marseille, bien sûr. Et après, en fait, compte, j'ai eu des surprises. Vous voyez, j'ai reçu des vidéos de, par exemple, de on a eu qui? On a eu plein de monde. On a eu des présentateurs télé. On a eu plein de monde. Au milieu de ça, il y a eu Anaïs. Il y avait des amis à nous de Paris. Il y a eu Cartman qui nous a envoyé une vidéo. Il était en vacances, en plus, je me rappelle, de son hôtel. Donc, c'est un pur hasard où il y avait plein de monde qui nous avait envoyé des vidéos parce qu'ils aimaient le morceau et qu'ils voulaient participer à la vidéo, quoi. Ok. Voilà. Ça te va ? Ça me va, nickel. Alors mon pote, vu que tu es de Cholet, il va passer près d'Angers, c'est pas loin, ce sera le 26 mars. Voilà, si ça t'intéresse. Eh ben, je vais y aller normalement. Cholet. Ouais, parce et que puis... Cholet, tu fais pas, hein, ouais, je crois. Et puis si éventuellement ça te chauffe de passer un petit moment à Strasbourg, bah il sera le 9 mars. Ouais. C'est pas à côté, hein. Non, c'est pas à côté. Mais si un jour il vient à Cholet, ça serait juste extraordinaire en fait, juste ce truc. Ah, y a pas beaucoup de concerts là-bas, c'est ça ? Ah bah c'est juste paumé en fait, il n'y a juste rien du tout. C'est vrai que Cholet, c'est un peu paumé. Voilà. On va passer, ça veut dire qu'un jour on va passer, t'inquiète pas. Oh top mon pote. Déjà tu sais quoi, on t'envoie une dédicace de lui. Et puis bah là on va vous mettre toutes les dates de la tournée de Sopra sur les réseaux, comme ça vous allez pouvoir voir tout ça. Ok mon pote. Merci beaucoup, bisous à vous. On bisous. Te fait les poutous. Ciao. Mon ciao. Sopra, merci beaucoup d'être passé. T'as vraiment mis le feu, c'était juste énorme. C'est cool. Et comme à chaque fois, t'es juste le meilleur client du monde. Tu joues à tout, c'est vraiment un kiff. Ah, c'est cool, merci beaucoup. On sera évidemment là pour la sortie de l'album, ce sera le 14 octobre. Ça va s'appeler L'Everest, et donc, en exclu, nous aurons un featuring avec quelqu'un. À vous de deviner, proposez-la sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Night Show. Et Sopra, avant que tu partes, vu que t'es venu avec ton petit frère, Zach, ouais. J'aimerais en profiter si t'as des dossiers à balancer sur Sopra. Je répète encore une fois pour sa sécurité. C'est ouais. Alors, Zach. C'est un garçon très gentil. Et pourquoi tu pleures du sang en disant ça? Parce que c'est un garçon très gentil, très généreux. Ouais. Il fait attention à mon bien-être. Voilà, je tenais à le préciser. Donc voilà, je le dis aujourd'hui, je ne te l'ai jamais dit, grand frère. Je vais en profiter, vu que je suis en live. Voilà, je t'aime, mon frère. Oh eh, ça marche toujours, hein. Oh putain. Ça y est, faut que je change de voiture au fait. Donc OK. Ça va, elle arrive dans ton garage là. Et Sopra, Maître Gims sera en interview demain sur Fun Radio, je me demandais si t'avais pas une question à lui poser. Ah oui, comme ça. Alors, on lui diffusera. Alors, d'où sortent toutes ces mélodies entraînantes que quand tu écoutes une seule fois, tu le gardes dans ta tête pendant presque une vie. D'où tu sors toutes ces mélodies de fou? Un jour, tu m'as dit que c'est des mélodies interdites, mais d'où tu les sors de ton cerveau? Voilà la question. Ok, et ben, on lui posera et on aura la réponse. Et on te réinvitera pour te donner la réponse, puisque lui va te poser une question et ainsi de suite. Et comme ça, on se quittera plus jamais. Quoi. Voilà. Bon, Sopra, merci beaucoup. On va essayer de venir te voir. Là, tu seras à Bercy le 30 septembre. Vraiment, j'adorerais, parce que toi, en concert, c'est un truc de ouf. Tu mets le feu, on l'a vu ce soir. L'album, c'est le 14 octobre. Tu es le bienvenu dans cette émission. Quand tu veux, tu le sais. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. En tout cas, chaque fois que je passe ici, on en passe un bon moment. Je suis content. Du bruit pour Sopra. Bon, restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio et on fait de la libre antenne ensemble. 01 42 48 5000 et on aura Pascal au téléphone. Pascal, figurez-vous qu'il s'est fâché avec son père à l'âge de 15 ans et que pour se venger, il s'est tapé la maîtresse de son père. Voilà, sympa. L'histoire de Pascal, juste après Kungs sur Fun Radio. C'est Marion et Anso, on est en direct. On vient juste de quitter Soprano, on a fait les photos, tout ça. On va tout vous mettre sur les réseaux sociaux. Franchement, bah, c'est confirmé, c'est le meilleur artiste du monde. Il est gentil, c'est un beurre. Ouais, c'est clair, et puis il nous a donné chaud. Donc voilà. Et franchement, la vidéo du live, elle devrait être folle. On a dansé, mais comme jamais. Non mais n'importe quoi. Anso, elle a la frange qui transpire. Ouais, c'est clair, et ça c'est mauvais signe. Bon, je vous en parlais il y a quelques instants de Pascal, cet auditeur qui a besoin de nous. Il s'est fâché avec son papa quand il avait 15 ans. Bon là, il en a 42. Oui. Et bah, quand il a eu 15 ans, pour se venger, il s'est tapé sa maîtresse. Pascal, raconte-nous en deux mots un peu là, cette histoire. Ben, c'est simple, mon père, ancien entraîneur de boxe, je m'entraînais avec lui. Et quand je faisais des conneries, ben, il me faisait sortir sur le ring. Ah oui, d'accord, pas cool. Et puis donc c'était une certaine vengeance par rapport aux conneries que je faisais à côté, quoi. D'accord. Et puis à un moment donné, ben, j'ai appris qu'il avait une maîtresse. Ouais. Donc ben, je me suis tapé sa maîtresse et je l'ai dit à ma mère. Le bourbier. Bon, Pascal, ne bouge pas parce que moi j'ai envie de savoir comment t'as réussi à pécho la maîtresse et comment la maîtresse s'est dit tiens, je vais me taper simplement un gamin de 15 ans. Et moi j'ai envie de savoir, vous, chez vous, si vous avez déjà fait comme ça des vengeances personnelles. Alors pas forcément en amour, pas forcément des trucs de cul, je sais pas, vous êtes vengé d'un pote, d'un truc, au boulot, n'importe. Appelez-nous 01 42 48 5000. Venez les revanchards, on fait de la radio ensemble. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour votre DJ préféré. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux. Mais pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Non, ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok, ok. T'as hérité? Non. 295 euros par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295 euros par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Mene. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Exclusivité Micromania. Call of Duty Modern Warfare est de retour et il est meilleur que jamais. All right, let's get started. En ce moment, chez Micromania, lorsque vous précommandez l'édition Legacy ou Legacy Pro du prochain Call of Duty Infinite Warfare sur PlayStation 4, Micromania vous offre la possibilité de jouer 30 jours en avance, dès le 5 octobre, à la campagne solo de Modern Warfare remasterisée. C'est mythique et en exclusivité chez Micromania. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud ! Mais t'es calé, ton fusée ? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW Série 1 est à partir de 275€ par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1.14D 3 portes première start édition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Yeah. The Tonight Show. Avec Marion et Anso. 22h minuit sur Fun Radio. C'est nous, on est en direct comme chaque soir du dimanche au jeudi et c'est vraiment un kiff de passer ces soirées avec vous, avec les artistes qui font des lives, tout ça. Franchement, en ce moment, on s'éclate, donc merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Mais oui, j'ai envie de te dire merci Avi, je te croque à pleines dents et puis c'est tout. On est en train de parler avec un meuf pète un plomb. Ouais. On parlait avec Pascal de Perpignan. Bon, alors si vous nous rejoignez à l'instant sur Fun Radio, je vous fais le topo. Pascal a eu un papa qui était pas très cool, il faisait de la boxe, donc sur le ring, il cognait un peu fort et tout. Donc Pascal, pour se venger, il a couché avec la maîtresse de Pascal alors son qu'il père. Avait... avec la maîtresse de son père alors qu'il avait 15 ans, puis il est allé tout répéter à sa mère. Hein, voilà. Ouais, alors Pascal, j'ai plein de questions pour toi. Oui, bah excuse-moi, pas 15 ans, 17 ans. Ah, 17 ans, ah, voilà. Bah, c'était ma première question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette perverse de maîtresse? D'accord, donc 17 ans. Bon, c'est... Ouais, t'es quand même mineur, hein, c'était pas... Quel âge elle avait, elle? 37. Ah ouais, toi, ah ouais, ça fait... c'est une belle expérience sexuelle. Oui, ah ben. Pour toi, j'imagine. D'ailleurs, tu vas nous raconter comment c'était. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi elle, quel intérêt elle avait à faire ça? Et je veux dire, déjà, c'était la maîtresse d'un homme. En plus, elle a trouvé ça malin de se taper le fils de cet homme, quand même. Mais c'est moi, personnellement, comme je sais qu'elle avait une attirance vis-à-vis de moi, comme quand même à 17 ans, en faisant de la boxe, j'étais quand même déjà bien bâti. Ouais. Puis j'étais la réplique de mon père. D'accord. Je me suis jeté dedans à bras le corps et puis ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé quoi. Alors c'était comment? Est-ce qu'elle a tout donné? Est-ce que toi c'était une de tes premières expériences sexuelles? Oh non, c'était pas la première, moi je me suis déchiré à fond moi. Oh bah excuse-nous hein. Pardon, excuse-nous monsieur le cutard. D'accord, mais bon c'était bien, c'était un bon souvenir pour toi. Ah oui, c'était un très bon souvenir. Le problème c'est qu'après ça a foutu un putain de bordel quoi. Bah oui. Mais pourquoi tu l'as dit à ta mère? Parce que le but c'était de te venger de ton père, mais ta mère elle avait rien à voir dans l'histoire. Bah oui. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'était comme ça faisait mal à ma mère, et puis moi j'adorais ma mère. Ouais. Donc moi personnellement j'ai pris le mal pour moi, parce que non seulement d'avoir pris les coups, parce que j'en ai pris pour le compte, et ben j'ai dit ma vengeance elle va être plus dure que ça, et puis voilà, c'est allé jusque là quoi. Et alors qu'est-ce qu'elle a fait à maman? Est-ce qu'elle l'a quittée? Ben qu'est-ce qu'elle a fait maman? Il restait, j'avais encore des petits frères et des petites sœurs derrière. Ouais, donc elle est restée. Donc elle est restée avec comme on dit ça sur le cœur quoi. Ah d'accord. Et au-delà de ça, ben après moi mon père il m'a rechopé sur un ring, il m'a pas estropié mais démonté. Donc je pouvais plus faire le championnat de France ni rien et puis ben après j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis tiré quoi. D'accord. Donc maintenant, tu n'as plus de contact avec lui? Comment ça se passe? Non, c'est fini. Ah ouais, d'accord. Donc vraiment, toi, en termes de rancune et de vengeance, on est là-haut, quoi. Hein. Ah ouais, franchement, Pascal... C'est le top du top, je suis désolé, on me fait pas mal à moi, ni aux gens que j'aime. C'est vrai. D'accord, mais peut-être, tu sais, Pascal, y a parfois le dialogue fonctionne aussi quand même pas mal. Non, il n'y a pas de dialogue, parce que c'est gueule contre gueule, quoi. C'est dur, c'est de la pierre, quoi. Ouais, non, mais après, voilà, on juge pas, c'est ton histoire. J'ai une pierre, si tu veux, à la place du cœur, j'ai une pierre, je te la mets dans la gueule, tu restes sur place, quoi. D'accord, et alors, est-ce que depuis, tu as eu l'occasion de te venger d'autres gens? Est-ce que c'est la seule vengeance que tu as fait dans ta vie? C'est la seule vengeance que j'ai eue dans ma vie et qui m'a appris beaucoup de choses, hein. D'accord. C'est pas que négatif, hein. Ouais, d'accord. Non, mais après, voilà, mais c'est vrai que c'est dommage d'en arriver là quand même, avec sa famille, avec, tu vois, mais avec ta maman. J'ai quand même réussi à avancer dans ma vie, à avoir ce que je devais avoir, et puis être toujours en contact avec ma mère, mes frères et sœurs, hein. Au-delà de ça. Ok. Au-delà de ça, voilà, quoi. C'est mon père, on s'affronte, on se met sur la gueule. D'accord, oui, bah peut-être, bon, oui, alors effectivement, on le revoit pas, alors, non, Pascal. Non, hein. C'est pas un exemple, ça, mais bon. Non. Non, okay, non, mais c'est pour ça, je respecte ça, et puis au-delà de ça, moi, je vois ma famille, hein. Il y a rien qui m'empêche de faire ma vie, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, si t'es sain, si t'es heureux comme ça, si t'as trouvé ton équilibre, tant mieux pour toi. Et effectivement, si quand tu vois ton père, tu lui tapes sur la gueule, ne le vois plus. Voilà, c'est ça, Pascal. Très bonne initiative. Hein, on reste. Ah, ben je pense que c'est la meilleure des choses par rapport à son âge maintenant, et puis surtout, malgré tout, je le respecte, hein, au-delà de ça. Mais il m'a brisé une carrière, quoi. Bon, et ben comme ça, on reste à équidistance, hein, comme on dit. Merci Pascal, voilà, de sinon, nous avoir sinon, tout va bien. Enfin, c'était une chaudasse quand même, l'autre. Hein. Ah, t'es bon, Pascal. J'adore. Oh, la salope. Non, un peu de respect quand même. Et du coup, tu as défoncé ton père. À ce sale-là, c'est pas du respect, parce que c'était vraiment la cochonne de chez cochonne. Hein. Une Allemande, en plus. Hein. Oui, bah, ça veut rien dire. Hein. Bah, tu sais, il y a des Françaises cochonnes et des Italiennes très cochonnes aussi. Ah, mais les Allemandes, elles aiment bien les petits Français, bien verts, tu sais. Excuse-moi, monsieur cliché. Bon, écoute, si t'as pris ton pied à l'époque, tant mieux. On va pas te demander c'est des détails. C'est pas mon pied que j'ai pris. Hein. C'est pas mon pied que j'ai pris. Hein. Ouais. C'est au-delà de ça. Hein. Je me doute, mon pote. Merci de nous avoir appelé. On va parler revanche avec les auditeurs. Tu peux écouter si tu veux. Je pense que ça va t'intéresser. Ah, mais j'écoute. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je vous adore. Hein. Vous êtes clean. Hein. Nous aussi, on t'aime, mon Pascal. C'est vrai que Pascal, on est clean. Merci. Ouais. Effectivement, on a fait un contrôle antidopage, mec. On est putain de clean. Moi, une que j'adore, c'est Anso. Hein. Sa voix, elle est sensuelle. Quoi. Je vais avoir une érection, là. Merci. Ah. Écoute, Pascal, je suis réellement flattée, je crois. Hein. Eh mais c'est parfait, c'est nickel. Mais en plus, tu sais, elle est chaudasse aussi. Hein. Les gars. Ah, va falloir que je passe sur Paris, moi, alors. Oh, ah, t'embête pas, Pascal. Oh, si. Non, mais attends, et on fait connaissance d'abord, 2-3 coups de fil et tout, quoi. Tu vois. Ah, mais bien sûr, 2-3 coups de fil, un petit repas et allez en voiture. Hein. Je l'adore. Ah, parce qu'on va pas à l'hôtel, en fait. Toi, c'est en voiture direct, Pascal. Non, façon de parler. Attends, il y a quand même la manière, l'art et la manière, quand même. Hein. Ah, bah attends, J'ai quand même une certaine qualité de vie qui m'autorise à savoir me présenter devant certaines personnes. Mais de toute façon, Pascal, je l'ai toujours dit, il est clean. J'ai ma chérie, j'ai de l'élevage. Oui, bah, j'en doute pas. Bon, mon pote, on essaie de te caler un rencard avec Anso comme ça, et puis bah, on se tient au courant, ok? Ça marche. Allez, ça roule, y a pas de soucis. On t'embrasse, mon Pascal. Bisous les filles, bonne continuation. Bisous. Bisous, Anso. Est-ce que tu t'es déjà vengé de quelqu'un? Sois honnête. Jamais. Moi, je ne balance jamais, et je me suis jamais vengée. Je suis pas du tout rancunière, moi. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu trouves quand même une histoire à raconter pour les auditeurs, parce qu'on est quand même censé raconter des choses aux gens. Mais non, mais moi, je peux pas. Je me venge pas, non. Moi, non, je pas. Comprends. On me fait une crasse, et bien 10 minutes après, j'ai oublié. C'est vrai qu'elle est comme ça. Elle est sanguine, c'est-à-dire qu'elle va s'énerver, mais alors 10 minutes après, c'est oublié, quoi. C'est ça. En fait, peut-être que je suis un peu schizophrène. Non, pas toi, du tout. Toi, tu t'es déjà vengé, toi? Alors, moi, je suis pas revancharde non plus. Par contre, si on me fait une crasse, direct, je boycotte la personne à vie. C'est-à-dire que je vais pas me venger, mais ma vengeance, ça va être de ne plus jamais lui parler et de faire en sorte que plus personne ne lui parle. Oui, Enzo, standard. Bah, c'est pour ça que tu me parles plus, Marion. Voilà. T'as remarqué ou pas? Ouais, c'est vrai. Du coup, on voulait parler de vengeance avec vous. Il y a Florence de Montauban qui est avec nous. Bonsoir, Flo. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, et toi? Super. Alors, de qui tu t'es vengée? Raconte-nous, Flo. Alors, de mon voisin. Pourquoi? Il avait fait quoi? C'est un enfoiré de première. J'avais fêté mon anniversaire. Ouais. C'était mes 26 ans. Et bon, j'avais prévenu tous mes voisins que j'allais faire, qu'il allait avoir un peu de bruit et tout. Et ce fameux voisin m'a dit, moi, si à partir de minuit, il y a du bruit, j'appelle les flics. Ouais, il l'a fait. Bon, il l'a fait. Les flics ont débarqué, on a eu plusieurs appels. Et ce fameux voisin a un chien, un labrador. Il était toujours dehors, en fait. Mm-hmm. Et un de ces quatre matins, j'ai débarqué chez lui, j'ai pris le chien. Non. Oui, je l'ai gardé 2 jours chez moi. Oh non. Bon, il a été bien nourri, cajolé. Ah ouais, mais c'est moche, le pauvre. Et il s'est bien inquiété. Ouais. Et après, je lui ai rendu en disant, mais regardez, j'ai retrouvé votre chien. Ouais, c'est pas cool, il a dû être trop malheureux que tu lui piques son chouchou. Bah ouais, mais en même temps, c'est il avait cherché. C'est sûr, mais voilà, j'avais quand même averti. Eh bah, belle vengeance, ma Flo. Mais c'est pas bien. Moi, j'aime pas quand on joue avec les animaux. Ce sont des êtres vivants. Peut-être que ça l'a perturbé. Voilà, il avait rien non, demandé. Non, parce qu'il était très heureux. Bon, si tu le dis. Ça lui a fait des petites vacances. On t'embrasse. On t'embrasse, ma Flo. Merci de nous avoir. Je vous embrasse, Derry. Bisous, à bientôt. Bon, restez avec nous puisque sur Fun Radio, qu'est-ce qui arrive dans un instant ? C'est le Poké Lost. Je suis vraiment pas douée en jingle. Hein. Et puis tout de suite, c'est Maître Gims, il sera l'invité de JB demain soir en direct à 18h sur Fun Radio. Donc si vous avez des questions, bah, tout ce qui est 01 42 48 5000, quoi. Pas de soucis. Ouais. Que faire de tout ce qu'ils disent ? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus Denis, mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimes à l'épuissance. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, ça va de soi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. À croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le même one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du doudou, il est yo, yo, yo, yo. Plongé dans le de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. Nous vient tout droit d'Hollywood, des États-Unis, puisque ça y est, Brad et Angelina apparemment divorceraient. Oh non, c'est horrible. Pas encore tout à fait sûr, c'est une rumeur a priori. Oui, mais en même temps, c'est le site TMZ qui l'a annoncé et en général, ils se trompent pas. Donc franchement, c'est dur. Moi, je les adore. C'est quand même le couple emblématique du cinéma. J'espère que c'est faux. Et la question que tout le monde se pose, si jamais ils divorcent vraiment, c'est qui va avoir la garde des enfants, hein? Qui va garder Shivan, Paxton, Zahara, Marley, Silo, Nouvelle, Maddox, Knoxleon, Vivienne et Marcheline? Quand même, Marcheline, 8 ans. Moi, je veux bien prendre Maddox parce que ça peut servir quand t'as des maux de ventre. Non. Je ne suis qu'une sombre merde. Le Poké Lost. Poké Lost. Sur Fun Radio. Oui, ça fait partie des nouveautés de cette saison 2 dans Marion and Soul Night Show, le Poké Lost. Le principe est très simple. Il vous suffit de piéger papa ou maman en lui disant « Voilà, je suis perdu en train de chasser du Pokémon Go, viens me chercher !» Si il ou elle accepte de venir, et bah c'est gagné, vous repartez cette semaine avec votre ordinateur PC portable. Pas mal. Ouais, c'est pas mal, disons. Ouais, parce que ordinateur portable ou PC portable. Parce que ordinateur PC portable, bon, on rajoute des difficultés. Oui, hein, mais toi, t'es comme ça. Toi, t'as envie de mettre vraiment toutes les caractéristiques. Je suis complète. Peux pas te l'enlever. C'est Mathieu. Mathieu joue avec nous ce soir et Mathieu habite à Pissy. Bonsoir Mathieu. Ah d'accord. Bonjour. Ça va Mathieu? Oui, ça va, ça va. Et bien voilà, bienvenue dans cette émission ultra intelligente. Nous on entend Pissy, ça nous fait marrer. Voilà. Alors c'est où Pissy? Pissy est dans le 80, c'est presque à côté d'Amiens. Ah d'accord. Et comment on appelle les habitants de Pissy? Allô? Mathieu, j'ai l'impression qu'un véhicule est passé beaucoup trop près de toi. Mathieu. Mathieu, rassure-nous. Oh mon dieu, mais allô, c'est pas vrai. Mathieu, attends. Attends, non. Raccrochons Yannick au standard, tu nous rappelles tout de suite Mathieu. Hein. Attends, parce que c'est inquiétant là. Bah oui, bah attends. Et en attendant, tu sais quoi, je vais te trouver les habitants de Pissy. S'il te plaît. Les pisseux peut-être. Mais je crois qu'en fait, les pissouzes. Les habitants de Pissy s'appellent les pisséens et les pisséennes. Ah, je sympa. Je crois que la population municipale est de 284 habitants, donc c'est vraiment un tout petit village. Hein. Et flash info, nous venons de récupérer Mathieu. Ah, Mathieu. Oui, bah c'est alors. Bon. On a eu peur. Hein. Moi, j'ai entendu un bruit de véhicule, je me suis dit, il s'est fait faucher, le con. Bon, Bichon, tu as choisi qui pour jouer au Poké Lost? Papa, maman? Ma mère. ta mère. On aime bien les mères, ça panique vite. Et elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Noël. Ah, ça doit être sympa, les périodes de fête. Oh, mais c'est pas possible, Anso. Ok, elle a quel caractère, maman? Très nerveuse. Bien. Elle s'énerve vite, donc voilà. Et elle aime pas quand je pars tout seul aussi, donc du coup, là, c'est encore mieux. Dis-nous, quelle stratégie t'as prévue? Par exemple, tu te serais perdu dans quel endroit? Alors, je serais parti à vélo, en fait, de chez moi, pour aller dans un village qui s'appelle Revel, qui est pas très loin d'ici. Ok. Et en fait, j'ai crevé, et du coup, tout de suite après, j'ai essayé d'avoir quelqu'un, tout ça, mais il y a quelqu'un qui m'a proposé de monter avec lui pour me remarquer. Excuse-moi, Mathieu, est-ce que tu serais pas en train de nous créer un vrai petit scénario de blockbuster? Tu sais quoi, on va découvrir la suite, ça a l'air très bien, mon pote. On appelle Noël. Okay. Fais-nous rêver, fais-la flipper. On te fait confiance sur le scénario. D'accord, ça va. Beau slogan, fais-nous rêver, fais-la flipper. Quel publicitaire. Oui, allô? Oui, allô, maman, ça va? Pourquoi tu m'appelles en privé? Parce que mon téléphone, il bug en ce moment, donc je te l'ai dit la dernière fois, il bug un peu, donc voilà. C'était pour te dire un truc, en fait, qui vient de m'arriver ou pas. Tout à l'heure, t'as vu, je suis parti à vélo et tout pour aller chasser des Pokémon. Ouais. Ouais, tu sais, l'application que donc je suis allé jusqu'à Revel, tout ça, pour chasser, et en fait j'ai crevé parce que du coup je suis parti avec mon vélo, et en fait il y a un gars qui est désolé, dans ma voix je stresse un peu parce que du coup il m'a, en fait je sais pas où il m'a emmené, et du coup je stresse et tout là, donc voilà, et en fait donc du coup j'ai crevé, donc il, je sais pas. Bah, t'es monté avec quelqu'un sans le connaître? Oui, ouais. N'importe quoi, toi. Eh oui, bah, je sais, mais... Attends, laisse-moi finir. Et du coup, voilà, donc je stresse un peu et tout, et en fait, il m'a demandé de repartir avec lui et tout, et en fait, il m'a emmené encore plus loin, et du coup, je sais pas du tout où je suis et tout, et c'est un village à côté de Revel, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle, et voilà, donc... Non, non. Tu sais que t'as pas le droit de monter avec des gens que tu connais pas, tu fais quoi là? Tout ça va pas. Ah oui, je pensais pas que voilà, j'allais crever et voilà. Non mais n'importe quoi, Mathieu, mais pourquoi tu nous as pas appelé tout de suite pour dire que t'avais crevé plutôt que de monter avec je sais pas qui? Tu peux pas venir me chercher, maman, s'il te plaît? Ah non mais tu rigoles ou quoi? Tu sais même pas où t'es, comment je fais pour venir te chercher? Bah tu me cherches, je sais pas, sinon télécharge Pokémon Go, tu me trouveras. Non mais tu rigoles ou quoi? Je t'engueule que tu fais ces conneries là et puis tu crois que moi je vais télécharger ça? Non mais tu rigoles ou quoi? Non, tu marches, t'as su faire le con pour aller jusqu'à Revel ou je ne sais où là, monter avec je sais pas qui, et bah tu marches un peu et puis tu cherches un panneau, Il y avait un Pokémon hyper rare, c'était un Ratata, il fallait que j'aille le chercher, donc du coup je... Il fallait, bien sûr. Et du coup, je vais monter mon niveau grâce à ça, mais s'il te plaît, viens me chercher quand même. Oh, mais arrête avec tes conneries, je te jure, je vais t'en mettre une. Je vais t'en mettre une, si je viens me chercher, je te jure, je t'en mets une. S'il te plaît, va dans la voiture, vite, viens me chercher avant qu'ils reviennent, s'il te plaît. C'est perdu. Allô, Noël? C'est quoi cette histoire? Noël, bonsoir, vous êtes en direct sur Fun Radio. Oh mais c'est pas possible. Oui. Alors, je vous explique, tout ça était une gigantesque blague. Mathieu n'est pas perdu, Mathieu est en sécurité. Il devait juste vous faire croire qu'il s'était perdu en train de chercher du Pokémon et vous deviez dire ok, j'arrive, je viens de chercher. D'accord, mais en même temps, si je sais pas où je vais chercher, je risque pas de venir. Je sais. Excusez-moi, est-ce qu'on peut casser la gueule de Thibault Larrea pour nous avoir balancé petit papa Noël dans les oreilles? J'aime bien, moi. Merci. Bon bah Noël, du coup voilà, on a bien vu, vous avez paniqué, vous avez stressé, mais effectivement vous avez raison, Mathieu, t'aurais dû lui donner un point de rendez-vous parce que là la pauvre, elle savait pas où aller. Bah oui. Ouais. Et ouais, bichon. Donc là, malheureusement, la règle, c'est la règle. Donc je ne sais pas, nous allons quand même faire un vote dans l'équipe. Est-ce que vous pensez que Mathieu a été assez bon comédien? Est-ce qu'on peut quand même lui offrir le PC? Ou est-ce que non, il a perdu? Alors moi, si je puis me permettre, Marion, effectivement, après analyse un petit peu de ce Pokélos, eh bien je constate que Mathieu a été plus dramaturge que comique. On est d'accord. Ainsi, sa maman était paniquée, ne sachant pas où elle cherchait. Moi, je pense que c'est totalement perdu. Donc toi, tu penses que c'est perdu. Les garçons, qu'est-ce qu'on en pense, Thibaut, à la réalisation? S'il vous plaît, les gars. Dis-nous, Thibaut. Bah, effectivement, il a été super bon quand même. Il a été méga bon comédien. Après, bah, sa mère, elle est pas venue le chercher, elle est pas montée dans sa voiture. Mm-hmm. On se tourne désormais vers Yannick au standard. Eh ben, Coubertin a dit, l'essentiel est de participer. Et si on dit ça, on en offre à tout le monde. Il bon, a bien alors, participé. Faisons un petit vote à main levée. Qui veut lui offrir? D'accord, je suis tout seul. Mais c'est la règle, hein, c'est la règle. Oh, le oui. pauvre, il me fait de la peine. Est-ce qu'on peut pas lui offrir un petit cadeau quand même? Tu vois, un petit truc, un petit... Eh oui, un pack Fun Radio, il y a pas de problème. Je serais venu le chercher en plus, il m'avait dit juste où. Oh. Ah bah oui, mais Noël, c'est un peu facile aussi maintenant qu'on sait. Oui. Hein? Ah oui, non, mais bon, je lui ai demandé, je ne sais pas combien de fois, où Noël. Je dois venir te chercher. Je lui ai dit, va chercher le panneau. C'est bon, vrai. Bref. Bah, c'est Noël, est-ce que vous êtes capable de nous citer un Pokémon connu? Pikachu. Ah oui. Et donc, eh ben bravo. Et pourquoi? Parce que tu m'as lancé sur un truc que ça n'a aucun sens. Bah oui. Est-ce que vous avez constaté quand même que Marion et moi sommes non seulement maîtres du jeu mais aussi huissiers de justice? Ouais, surtout on est très faibles quand même. Pikachu, tout le monde le connaît, mais bon. Ouais, mais bon. Bon, allez, vous êtes fort sympathique et puis il avait l'air à fond et il aurait été trop déçu. Mathieu, tu sais quoi? C'est gagné le PC portable pour toi à la maison. Super. Vous m'avez bien fait flipper, je m'attendais pas. Eh bien écoutez Noël, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Oui. Et puis on vous envoie le PC portable à tous les deux. Bisous. Merci. Bisous. Vous l'aurez constaté, hein, auditeur de Fun Radio, il suffit de passer sur l'antenne pour gagner un cadeau. Un passage, un cadeau. Bon, du coup, maintenant, dans un instant sur Fun Radio, nous allons parler de cul. Oui. Et on vous a trouvé un truc de dingue avec Marion. On vous a trouvé les records du monde du sexe. Imaginez des trucs, mais de fou. Genre, il y a la quantité de sperme bu par une seule personne. Ah oui, c'est très violent. Je sais pas comment elle a fait pour pas s'étouffer. C'est ultra violent. On en parle avec vous et on parle des performances sexuelles que vous rêvez d'atteindre. Oui. 01 42 48 5000. On se retrouve juste après ça que Noël sur Fun Radio. Vas-y Marion, fais-la ta vanne. Voilà, bah, je dis juste que c'était pratique, ça que Noël à l'approche des fêtes. Voilà. Bah c'est tout. C'est tout. Yo, c'est la gala with the big tic tac. She fait gimme the gimme the. Head to the floor, gal, gimme the gimme the. Bend over, girl, and gimme the spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the body look fine, girl, gimme the coming out, we have some time, girl. Good girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Bubbly, serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot she a bubbly, bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. Body look good girl you ever be winning it. Turn it up right girl you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pony body me take up a permanent president. Trumpets blow. c'est Marion et Anso. On est ensemble en direct avec vous jusqu'à minuit. Et alors là, c'est le moment de parler quoi ? De parler fionfion. Oui. Et on voulait parler des performances sexuelles que vous rêvez d'atteindre. Parce qu'on est tombé sur le top 10 des records du monde du sexe avec Marion. Mais quand je vous dis que c'est des trucs de dingue, c'est des trucs de dingue. Insoupçonnable en fait. Ah bah c'est du jamais vu et franchement vous allez en apprendre. Et si jamais vous vous détenez comme ça un record, n'hésitez pas à nous appeler aussi. Hein. On sait jamais. C'est quoi ta performance sexuelle que tu rêves d'atteindre toi Marion ? Alors je dirais faire l'amour plus de 8 fois dans la même nuit, sachant que mon record personnel est déjà de 7 fois. Ah c'est pas mal. C'est ouais, quoi vos records de faire l'amour dans la nuit les garçons, Thibaut à l'arrière ? Moi personne ne me croit à chaque fois, je vous jure que c'est vrai, c'est 18 fois en 24 heures. Impossible. Mais je vous jure que c'est vrai. Bah 18 fois en 24 heures, moi ça m'est arrivé 11 fois moi dans une nuit. Et mec, ça dure 30 secondes à chaque fois du coup. Alors j'avoue que sur la fin, bon c'était pas très long et c'était mais vraiment 18 fois. Ah oh, bravo mon pote, ouais, c'est beau. Ouais. Par contre le lendemain, on n'est pas bien hein. Ah mais moi non plus. Hein, on est un peu fatigué quoi. Ah bah t'es sec hein. Amir. Oh, la classe d'Amir quoi. Amir des réseaux sociaux, c'est quoi ton record toi ? Ah mon record ou le record que j'aimerais ? Non, ton record dans une nuit. Ah mon record dans une nuit c'était 18 fois. Mais arrête de mytho, mais c'est quoi les gars 18 fois ? Mon en une record nuit, c'est impossible. Si mais si. En une nuit. Record. Mais je réponds à une question devant la France. La France mon amour, 18 fois. D'accord. Enzo standard ? Moi c'était 3 fois je pense. Voilà un homme honnête. Un bébé chat. Je mens pas. Mais ça sert à rien de se saigner la bite. Hein. Ouais. Oui, mais toi, tu peux dire 3 fois, mais ça dure 1 heure à chaque fois. Tu exactement. Vois. Ah une heure et demie. Ouais, tu fais du feu après. Ouais, je te confirme. Oui, c'est vrai. Anso, la performance sexuelle que tu rêves d'atteindre. Oh, bah là, globalement, c'est simple. C'est tout simplement de faire l'amour tout court. Hein. Oh, bébé. Parce que là, trop mignonne. Là, on atteint quand même 3 semaines, puis là, c'est un peu ouais, difficile, quoi. Alors, si vous nous découvrez ce soir, il faut que je vous dise que Anso est célibataire, que Anso parfois a des aventures comme ça, hein, histoire de pimenter sa vie. Ouais. Et que tenir 3 semaines sans faire l'amour, c'est une sorte de record. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Ouais, donc, elle est pas bien. Elle va kiffer aussi quand tu vas le faire. Parce que je suis sûr que le prochain, c'est le bon, hein, je le signe. Ouais, mais alors non, là, il faut qu'elle le fasse. Je te confirme que le prochain, ce sera dans pas longtemps. Parce que c'est déjà prévu. Ah, et ce sera probablement pas le bon. Mais il faut que tu le fasses parce que tu sais que quand tu le fais pas assez souvent, ça te rend un peu nerveuse. Et là, je commence à ressentir ta nervosité. L'équipe le ressent. On voulait tous te passer un message. Anso, il faut y aller maintenant parce que. Là, en ce moment. Je sais. Ah oui. Mais c'est vrai. Et je vous promets que c'est pas une blague. Anso, elle a besoin de faire l'amour pour être détendue. Ah oui. Sinon, elle est pas bien. Vous verrez si je serai détendue dimanche ou pas. Bon, appelez-nous vous aussi là pour nous donner votre performance sexuelle, celle que vous rêvez d'atteindre. Alors forcément, c'est pas un truc qui sera possible ou peut-être, ça peut être réalisable. Oui. Appelez-nous, ça peut être de l'ordre du fantasme 01 42 48 5000. Et moi, dans un instant, ça y est, je vais vous donner les 10 records sexuels les plus ouf, les plus incroyables du jamais vu. Est-ce que vous voulez un petit chiffre comme ça pour vous donner l'eau à la bouche ? Ah oui, vas-y. Alors je ne vous donne pas l'intitulé du record, mais je vous dis 70 cm. Ça vous parle ou pas ? Wow. Ok, bah j'ai hâte de voir ça. Allez, vous allez découvrir ça dans un instant, bougez pas. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Je te dis, moi, mon chien, c'est vraiment, il y a un truc qu'il faut pas qu'il le touche. Ouais. Tu peux être sûr que le lendemain matin, il m'attend avec le truc qu'il a pas le droit de toucher. Même sinon, dis l'inverse. Dis-lui, fais si. Et puis ça se trouve, esprit de contradiction, et il viendra pas. Après, ça reste un chien. Hein, non, mais tu sais, Elliot, ça, j'ai essayé avec toi et ça a pas mieux marché. Hein. Ah ouais, mais c'est peut-être pas cool de comparer Elliot à un labrador. Je rappelle que les labradors, eux, ils savent rattraper les frisbees. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW Série 1 est à partir de 275€ par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1/14D 3 portes première Start Edition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu, un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Exclusivité Micromania. Call of Duty Modern Warfare est de retour et il est meilleur que jamais. All right.

de suite dans le Night Show. On va parler cul. I love that. Allez. Tout le monde à poil. The Night Show. Sur Fun Radio. Et on parle cul avec ce classement qu'on vous a trouvé. Ce sont les records sexuels les plus oufs qui existent dans le monde. Ouais. Mais alors quand je dis ouf, eh ben c'est vraiment ouf. C'est des trucs, à mon avis, vous allez avoir du mal à y croire. Mais c'est la vérité. Est-ce que vous êtes prêts, l'équipe? Oui. On n'attend que ça. Est-ce que ça vous intéresse l'éjaculation la plus longue en termes de distance, hauteur et vitesse? Ah bah, évidemment, ça nous intéresse. Alors, il s'appelle Hort Schultz et il a réalisé une éjaculation de 5,71 mètres. Wow. Oh. Ah ouais, 5. En longueur. Attends, mais ça devait aller hyper vite. Ouais, c'est énorme. La hauteur, c'était 3,7 mètres. Et la plus rapide, 68 km/h. Mais on lui a dit qu'il allait crever après, en fait, ou pas? Non, mais moi, ce qui m'étonne surtout, c'est le concours, quoi. Comment ça s'est lancé, quoi. Allez, les gars, on éjacule. Mais au-delà de ça, il a dû, ça devait pas faire la première fois qu'il éjaculait à 70 km/h, mais quand il éjacule à l'intérieur d'une femme. Ouais, ah oui. C'est quand même très. Ah oui, on est sur un jet. Ouais. C'est ça que j'y ai pas pensé à ça. On est d'accord. Bah, ouais, quand même. Ça va faire mal. Ouais. Alors, les amis, le prochain record, il est plus glauque. Je le comprends pas, celui-là. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est la maman la plus jeune au monde. Donnez-moi un chiffre, un âge. 7 ans. Non. Mais non, elle n'est pas réglée à 7 ans. Moi, je dirais. Si, si, il y a des filles qui sont réglées à 7 ans. 10 ans. Yannick, standard. 14 ans. 9. Eh bien, la plus jeune fille à avoir donné la vie était âgée de 5 ans. Oh, oh là là. Elle s'appelle Lina. Ah, non. Lina Medina. Elle est née au Pérou en 1933. En gros, elle a eu ses premières règles à l'âge de 3 ans. Voilà, on était sur quelque chose de pas normal. Oh. Et le bébé, en gros, il a été sorti par césarienne puisqu'elle avait les hanches trop étroites. Mais qui a fait le bébé, du coup? Ben, je pense que c'est un pervers. Hein. Voilà. Non, mais du coup, après, bon, ben, c'est vrai que avec ton enfant, t'es plus proche. Mais il y a quand même pas de différence d'âge, quoi. C'est horrible, la pauvre gamine. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Faudrait que je me renseigne quand même parce que c'est inquiétant tout ça. L'orgasme le plus long, c'est plus marrant. Ah, cool. Alors, en minutes, en secondes, allez-y, lâchez-vous. Combien de temps? 1 minute 10. Putain, ben, t'es optimiste, toi. Oui, Enzo. Une semaine. Non mais arrête tes conneries. Non, c'est pas autant que ça, c'est 43 secondes et c'est déjà énorme. Ah quand même, pour une femme ou un homme? Une femme. Ah, la chance. Ouais, ça a été 25 contractions successives et franchement, l'homme a dû assurer parce que c'est extrêmement rare un orgasme qui dure autant de temps. 43 secondes, pas mal. Bah bravo. Alors celui-là, il va te plaire, Enzo. Ah. Puisque je sais que tu es une adepte de la pratique. La plus grande quantité de sperme avalée. Arrête. Je rigole. Hey, oh, respecte-moi. Non mais c'est un pas non. Je rigole. N'importe quoi. Ça m'est arrivé pour faire plaisir. Mais enfin, je te taquine, ma meuf. Alors à votre avis, la plus grande quantité de sperme avalée? Moi je sais. Donc je dis pas. Eh ben, elle s'appelle Michelle Monahan. Je sais pas si ça va vous aider. Non. Et en gros, elle a bu 1 litre de semence. Wow. Mais c'est horrible. Parce alors, c'est pas un homme qui a fait ça. Si. Ils étaient plusieurs. Bah oui, je pense. Ils étaient plusieurs. Ouais. Mais ce qui est très dur, c'est que après cette expérience, elle a dû subir un lavage d'estomac parce que 1 litre de sperme, c'est beaucoup trop pour le corps humain. Non, mais voilà. Surtout, c'est beaucoup trop de gorgées, c'est beaucoup trop crade. Ouais. Je sais. Alors tout à l'heure, je vous donnais un chiffre. C'était 70 cm. Est-ce que vous avez une idée de l'intitulé de ce record? Taille du sexe. Non, mais t'imagines. C'est énorme. Tu sais ce que c'est, 70 cm? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est vrai. Anso, une idée? Aucune. Eh bien, c'est le poil pubien le plus long. C'est énorme. Alors, elle est originaire du Cape Town en Afrique du Sud. Et donc, elle a des poils pubiens d'une longueur de 70 cm. Calme. Voilà. Mais comment elle arrive à tout ranger, même? Mais je ne sais pas. Comment elle arrive à mettre une culotte? Tu peux regarder s'il y a des photos sur Internet. Elle s'appelle Maoni Vi. Je pense que ça boucle, effectivement. Amir, merci pour cette précision. Non, mais du coup, faut tirer, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah, c'est horrible. Ouais, le plus grand nombre de partenaires sexuels, à votre avis? Mais dans la vie? Alors, dans une journée. Ah, une journée. 45. Oh là là, les gars, vous êtes petits joueurs. Hein. Sérieux? Oui. 110. Non, Yannick du standard. Quoi? Mais attendez, les gars, c'est énorme. Non, moi, je dirais 20. Attends, c'est plus ou moins de 110? C'est plus que 110. Mais non, bah 500? Eh ben, c'est plus. Alors, elle s'appelle Lisa Sparks. C'est une actrice porno. En fait, elle a participé en 2004 au plus grand gangbang de l'histoire. C'est énorme. Elle a couché avec 919 hommes différents en une journée. Oh, la pauvre! Soit 94 secondes avec chaque individu. C'est énorme. Elle a... 919 hommes en une journée, les gars, c'est un truc de malade. Ah, mais les derniers devaient plus rien sentir, hein, c'est sûr. Ah, bah oui, mais même elle, c'était un truc de malade. Travaille à la chaîne, quoi. C'est ouf. Le plus gros géniteur, c'est-à-dire le mec qui a le plus d'enfants. À votre avis, combien d'enfants? Ah, 75. Non, pas du tout, vous êtes tellement loin. Bon. 120? 1200. Non, quand même pas. En fait, il s'appelle Moulay Ismail. Il est né au Maroc en 1645. Et les gars, il a eu 867 enfants différents. Hein? Oh là là! Mais non! Évidemment, pas avec la même femme, je vous rassure. Les Arabes, hein, vraiment, tous ces mêmes. C'est gros. Ça va, je suis La plus vieille prostituée. Ah oui, ça, je sais. Oh bah, 80? Tu dirais combien, Enzo? 120. Non, quand même pas, abuse pas. Non, Anso, bravo, c'était 80, effectivement. Ah, comme ah, pas mal. Pas d'âge pour faire des galipettes, c'est bien, bravo à elle. Merci, 80 ans. Merci, merci. Les galipettes. Et on va terminer avec le plus petit pénis au monde, à votre avis. 2 cm. 0,5. 0,5. Yannick du Standard? 3. 3 cm, les garçons? Thibaut? 1 cm. Eh bien non, le plus petit pénis du monde mesure 0,99 cm. Yes. Moins d'un centimètre, c'est énorme. C'est, enfin, non, c'est pas énorme, c'est minuscule. C'est un truc de ouf. C'est et ouais, bon, bah, on le dit tout le temps, la taille ne compte pas, mais enfin, dans ces oui. cas-là, ouais. quand même, est-ce que tu te rends compte que c'est ça qu'un centimètre? Bah, c'est un bonbon, hein. Bah, moins. C'est un Haribo, quoi. C'est un Dragibus. Moi, j'ai une question pour Anso. Oui. Si tu trouves le mec vraiment parfait, tu tombes amoureux de lui, tu découvres qu'il fait 0,9 cm. Non, je peux pas rester avec lui. Désolée, je suis très honnête, je ne peux pas rester. Oui, mais il y a les sextoys, il y a plein de choses, Anne-Sophie. Ouais, bah, c'est, oui, bah oui. Et sextoys, bah, justement, j'en ai à la maison. Oh. mais je peux pas rester avec un mec qui a un, ouais. qui a un sexe, un micro-pénis. Là, c'est même pire que ça, quoi. Pour la défendre, c'est vrai que moi, j'ai déjà eu une expérience avec un micro-pénis. Et alors, pourtant, moi, je suis pas du tout portée sur la taille. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'un gros sexe. Mais alors là, c'était hyper compliqué parce qu'en fait, tu ne sens rien. Et voilà, pour la petite anecdote, je ne sentais vraiment pas que la personne était en train de faire ce qu'elle était en train de faire. Du coup, voilà, c'était très compliqué pour moi. Et du coup, t'as arrêté? J'ai arrêté, ah ouais. Oui, c'est sûr. Bah ouais, mais en plus, je lui en voulais beaucoup parce qu'en fait, il avait attendu, il me l'avait pas dit. C'est-à-dire que je suis restée 2 mois avec lui, il s'était rien passé, je comprenais pas pourquoi il se passait rien. Et j'ai découvert ça, et s'il m'avait prévenu et conditionné, et bah peut-être que je serais encore avec lui. Et bien, si vous avez un petit sexe, envoyez des courriers à Marion, oui, là, et vous aurez des chances de coucher avec cette personne. Bon, du coup, on s'est posé cette question, quelle est la performance sexuelle que vous rêvez d'atteindre? Et nous avons Jessie de Grenoble qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir, Jessie. Salut Marion, salut Anto. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Rita. Alors, Jessie, dis-nous, c'est quoi ton rêve absolu? Ah, moi, mon rêve, ce serait de faire un marathon sexuel au lit, quoi, pendant 24 heures. Ah, pas mal. C'est quoi, c'est, t'as une meuf, Jessie? Ouais. Ah, oui, bah, mais voilà. Pas avec la même, je pense. C'est quoi le marathon? Bah, si. Ah, bah ça va, alors tu peux le tenter. Mais oui. En ouais, plus, faut tenter. En plus, on arrive sur l'automne, on n'a pas envie de sortir, un dimanche sous la couette, c'est totalement réalisable, Jessie. Ouais, bah oui, carrément, avec des peaux de bête, un peu de feu, tout ça. Bah voilà, la peau de bête, hein, bien sûr, dans le marathon sexuel, ouais, c'est important. Et eh bah ouais. Tu sais quoi, tu nous tentes ça, et quand tu l'as fait, tu nous rappelles, ok? Ouais, ça marche, ouais. Je pense que je vais me reposer à peu près 2 semaines après, mais... C'est ça. Et eh bah écoute, bon courage champion, on est avec toi. Bisous. Et si Anso elle a besoin, je suis là. Bah t'as une meuf, Jessie. Ouais, mais bon, si on peut rendre service... Mais il a raison, tous les râteliers, celui-là. Hein. La main sur le cœur. Jessie, on t'embrasse. Je peux faire une petite dédicace? Bien sûr. Moi, je vais te faire une dédicace à Gaëtan, à la tête d'ampoule et à tout ce qui m'a reconnu. D'accord. Bisous tout le monde. Salut Jessie. On a Thomas aussi à Paris qui est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir les filles. Bonsoir les beurs. Ça va, beurre? Ça va. Tranquille et vous? Ouais, nickel. Dis-nous, quelle performance sexuelle tu aurais envie d'atteindre, toi? À moi, ça serait me frotter aux gros sourcils d'Amir. Ouais. Non, je rigole. Ça me fait mal. Très bonne vanne. Alors, dis-nous. Non, ça serait de donner 3 orgasmes de suite à ma compagne. Oh, est-ce que c'est pas atteignable, ça? C'est pas facile, quand même. Hein. 3 orgasmes de suite, c'est pas facile. Hein. Bah, écoute, elle est du genre à avoir un orgasme rapidement, ta copine, ou c'est dur? Non, ça va. Ça va. Eh bah, tu peux le tenter aussi, mon pote. Vas-y. Ça peut le faire. En plus, c'est toujours très bien vu, hein, Thomas, quand on essaie de donner du plaisir à sa partenaire. C'est le genre de choses qui nous rend assez sensibles. C'est vrai. C'est ça, on a toujours le donnant. Voilà, c'est exactement ça, Thomas. C'est bien dit. Merci de nous avoir appelé, Thomas. Merci, bisous les filles, bisous l'équipe. Bisous, bientôt, Thomas. Bisous. On n'a pas une petite meuf sur ce sujet en Ah rapide. Si, on a Lola, Lola Dumont. Bonsoir, Lola. Oui, salut les filles, salut l'équipe. Ça va, Lola? Ça va, merci. Alors, dis-nous, chérie, c'est quoi ton rêve absolu niveau sexe? Eh bien, écoute, moi, j'ai un mec qui est... Alors, c'est très bien, je vais vraiment plaindre, très endurant. Mais je rêverais de le faire jouir d'une fellation, mais genre très rapide, quoi. Pas attendre 15 plombes, à peine chauffer, paf. Je comprends. Parfois voilà. C'est long, hein. Ouais, je comprends. Ouais, parfois c'est beaucoup trop long, hein, cette histoire. Mais alors ça dépend vraiment du mec, hein. À mon avis, quoi que tu fasses, c'est compliqué, ça dépend de la nature de ton chéri. Non, mais alors sinon, Lola, ce que tu fais, c'est que tu le chauffes bien, mais vous faites rien avant, quoi, tu vois. Faut rester longtemps, bah ouais. Se faire des câlins et tout, des bisous, des machins, et qu'il soit hyper chaud, hyper chaud. Et comme ça, ta petite affaire, elle sera fissa voilà. Réglée. Et si jamais tu bats le record de 1 litre de sperme avalé, surtout tu nous appelles. Oh, mais j'ai plus envie qu'on en parle. Pourquoi ? Parce que c'est horrible. Bah, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui l'ai battu ce record. Lola, toi aussi, t'es notre championne. On est avec elle le night show ? Ouais, ouais. Voilà. On t'embrasse, Lola. Bisous. J'ai envie de demander à Pépère, parce qu'on l'a pas entendu ce soir, c'est normal, il y avait Soprano, ouais. On s'est tenu sage. Pépère, est-ce que t'es là? Est-ce que t'as passé une bonne soirée déjà? Bah oui, Pépère, il a passé une excellente soirée, même s'il était dans la cagette à oubliettes. Est-ce qu'il aime bien Soprano, Pépère? Bah oui, il aime bien le feu, hein. D'accord. Alors Pépère, est-ce qu'il y a une performance sexuelle que tu as envie d'atteindre, toi? Bah oui, Pépère, lui, son plus grand rêve, ce serait de foutre une tonne de sperme sur papy et mamie sans toucher le cercueil. Oh non, mais mec, mais c'est horrible. Pépère. Mais ça va pas, non? Bah, c'est galère pour nettoyer après. Mais arrête. Oui. Moi, j'aime bien celle-là. Ah non, mais il est crado. Moi, je trouve qu'elle passe bien. Merci, Pépère. Autre chose à dire? Bah oui, t'as dit que ça passait bien, mais quoi? Ma bite? Arrête. Il est génial. Adrien Thomas, bonsoir. Ah, il est en retard, celui-là. Ah, bah qu'est-ce qui se passe? Alors, mec, minuit 2, il s'installe tranquillement avec son sac à dos. Il faut vous dire... Oh les gars, attends deux secondes. On est pas revenu sur la soirée qu'on a passée hier soir tous ensemble. On est allé faire la teuf au Queen. Adrien Thomas était avec nous et on a surtout pas révélé le nom de la personne qui a pécho. Ah bah il y en a plusieurs, mais il y en a une dans cette équipe. Ouais. Roulement de tambour. Je regarde Amir, je regarde Enzo, je regarde Thibaut à l'arrière, je regarde Anso. Anso, ce n'est pas toi. Non. Thibaut, ce n'est pas toi. Non. Amir, ce n'est pas toi. Ah bah non. Heureusement. Enzo, ce n'est pas toi. Yannick du Standard. Cochon que tu es, c'est toi. Ça roule de la galoche. Et ça galoche des meufs comme ça, et ça danse, et ça galoche. Et tu nous as choqués. Ah bon, je vous ai choqué. Ah bah. Moi, je pensais pas que t'étais chaud comme ça. Je l'ai pas vu, moi. Ça a bavé, hein. Bah si, il a embrassé. Bah, c'est une meuf qui est passée sur tout le Queen. Alors voilà, c'est une dingue. C'est-à-dire que tu l'as embrassé, mais tout le monde l'a embrassé, hein. Voilà, y compris des gens dans cette équipe qui sont en couple. Enfin, je veux pas foutre le bordel. Ah ouais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais en tout cas, cette demoiselle, on l'embrasse parce que je pense qu'elle est juste ouverte et que peut-être elle essayait de battre un record. Voilà. Ouais, c'est peut-être c'est ça. Possible. Ouais. T'as profité, Bichon, c'était sympa. C'était très sympa. Non, mais... Et je balance Béric aussi, ouais. Qui est auteur dans cette équipe. Ah oui. Mais n'importe quoi. Si, si. Attends, il a pécho Béric. Ouais. Béric, viens là tout de suite. On dit tout aux auditeurs. Tu es auteur dans cette émission. Tu écris des blagues. Est-ce que hier au Queen, tu as embrassé une meuf? Embrassé, non. Ah, t'as fait quoi alors? J'ai pris un numéro de téléphone. Voilà. Oh là là. C'était une touriste italienne. C'est Enzo qui traduisait parce que je comprenais pas trop ce qu'elle disait. C'est génial. D'accord. Et Enzo, oui. D'ailleurs, on embrasse la copine de Béric, hein, Colin. Ouais, c'est vrai que Béric est depuis peu en couple. Et du coup, vu qu'on parle des couples, j'aimerais juste ajouter avant Adrien, bah que Enzo ici présent a bien maté hier soir aussi. Arrêtez. Oh non. Non, les gars, attendez, les gars, excusez-moi, le but c'est quand même qu'on est tous potes. Bah donc oui. Le but c'est pas de casser les coupes de tout le monde. Voilà, c'est ça. Parce que Béric. Je suis pas pote que... avec vous, moi. Ouais, mais Béric, sérieux, Béric, en plus, il galère, on va tout vous dire, il galère sur Tinder, tout ça. C'est un peu une merde. Du coup, là, il a enfin réussi à pécho une meuf. Et là, on est en train de lui ruiner son plan. C'est pas merde. Cool. Désolé. Ce qui mais est voilà. Au Queen reste au Queen. Hein. Ouais, mais sinon, Béric, peut-être demande pardon publiquement. Je demande pardon. Ouais. Et c'était sincère. Non. Bon, Adrien Thomas, on va te laisser pour Party Fun. T'as pas fait de bêtises, toi, hier? Ah, mais alors, même moi, mais pas du tout. En plus, la meuf, je vais la voir. Je lui ai demandé, et nous, elle me dit, mais de toute façon, laisse tomber, je suis lesbienne. Donc, si tu veux, voilà. La meuf, elle emballait tout le monde, mais elle était lesbienne, en fait. Eh bah, ben, pose-toi donc, des questions, mon Michon. Hein. Voilà. Non, mais elle avait déjà emballé Yannick et tout le monde, hein, avant. Pose-toi des questions, quand même. On va vous laisser avec Adrien Thomas pour Party Fun. Nous, on va se retrouver demain en direct à 22h, les copains. Pas d'invité demain, on est entre nous. Ouais. Jeudi, celle qui sera là, c'est qui l'équipe? Zao! Vous êtes fort. C'est chaud. C'est si chaud. Vous avez des questions pour Zao, allez-y, là, Marion et Anne-Sor, funradio.fr. Toutes les vidéos de Sopra seront en ligne demain, c'est promis. On va bosser comme des acharnés toute la nuit. Et là, j'ai le graphiste qui me regarde en mode quoi? Oui, mon pote, tu vas bosser. Et puis, bah, demain, c'est Bruno qui vous réveille 6h, 9h. Est-ce qu'on finirait pas en chanson, l'équipe? Allez. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ciao. Allô. Allô. Allô. Party Fun. Bienvenue. pourtant le plus grand club de France. Bienvenue sur Fun Radio, on est en direct jusqu'à 1h du matin. Moi je reviens du concert de Justin Bieber là. Ah la chance. Eh oui. Alors oui, c'était super. D'ailleurs je vais commencer avec un titre à lui avec DJ Snake, Let Me Love You, un remix. C'était bien, mais il chante beaucoup en playback. Tu sais, il y a des soirs où on a envie et des soirs où on n'a pas envie. Et je pense que ce soir, Justin n'avait pas envie. Bah. Mais est-ce qu'il a fait Love Yourself en live? Ouais, il l'a fait. Il l'a fait, mais même il a fait un solo de batterie et tout. Tu vois, moi je suis un fou de batterie et tout. Et je sais pas, il y a plein de gens, j'ai discuté avec plein de gens et tout. Et après, et je sais pas, on s'est dit, il y a des soirs avec, il y a des soirs sans. Ouais. Et ce soir, mais genre c'était c'est en Justin. Mode playback assumé. C'était assez fou. Après, Justin reste Justin. Bah voilà. Ouais. C'est un artiste, le mec, il fait du piano, il fait de la guitare en live, il fait de la batterie, il chante de ouf. Mais voilà, ce soir on l'a senti un petit peu bon fatigué. Écoute, tu parles pas comme ça de mon Justin, voilà. Ou je te casse la gueule. Voilà, mais en tout cas, allez voir parce que franchement, il faut le voir une fois dans sa vie. Moi, je voulais le voir une fois dans ma vie, c'est fait. Voilà, bravo, rien. Quand même très content. Fier de toi, moi. Merci, c'était mon petit moment. C'est beau, franchement. Mon petit moment, je raconte ma soirée. Oh, ça va, t'as déjà essayé hier soir, t'y es pas arrivé. Ce soir, Mike Perry dans l'émission avec The Ocean. Et puis, on démarre avec ce remix que j'ai trouvé sur internet. Un DJ qui s'appelle Chartwell. Et le remix est vachement bon. Allez, à demain. Bisous. Bisous. We were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. So you, dark is the place, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife, never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Do you say I want you? Do you say I want you? Do you say I want you? Do you say I want you? Do you say I want you? Do you say I want you? Do you say I want you? You're gonna find yourself somewhere, somewhere.

Fun sur Fun Radio. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into the ocean. Passez votre soirée ici avec Fun Radio. Dites-moi ce que vous faites en écoutant l'émission là à minuit 20 si vous bossez. Je pense très fort à tous ceux qui travaillent la nuit. Je suis là aussi pour vous, hein, minuit, 1h, et pour ceux qui sont sous l'oreiller en train d'écouter, qui n'ont pas envie d'aller se coucher, qui n'arrivent pas à dormir, qui vont se lever tôt demain. Dites-moi un petit peu ce que vous faites. Faites-moi un petit Snapchat. Mon pseudo, c'est Adrien Thomas, T-O-M-A. Je vous attends. Je vous prépare Jonas Blue, Major Lazer, Justin Bieber. Et puis là, tout de suite, j'ai trouvé ça sur internet. Usher, yeah, rappelez-vous de ce morceau. Le remix est signé Paranoid. Je l'ai trouvé vachement bien, je voulais vous le jouer ce soir dans Party Fun.